ressemble à la vraie édition week-end. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est Antoine Lapointe-Ricard qui est avec nous. Salut! Bon matin! Comment vas-tu? Ça va bien, bizarre. Ben oui. T'es rendu en un morceau? J'ai réussi à me rendre en un morceau. C'est pas fait prendre par la trappe. Non, y'a pas de cours à matin. Bon. Sacré spotter de QTR. Hein. Hey, je te dis qu'il se trouve drôle, eux autres. Ah, mais elle est bonne. Ouais. Pour ceux qui pognent, elle est bonne. Ben, c'est ça, parce que les gens qui regardent vite, là. Comme moi ce matin, mettons. C'est exactement l'exemple parfait de fake news. Mais oui, vraiment. C'est la faute de la Russie. La faute de la Russie. Vieux Poutine. Mais j'entends dire, Antoine, que ce matin, on parle de n'importe quoi. Oui, ça va être un melting pot, en fait, un ensemble de trucs que je vais amener par rapport au plein air. Qui t'intéresse, là, que tu te donnes à faire en ce moment? Ouais, ben, non, moi j'ai quand même un schéma dans ma tête de ce que je veux parler ce matin. Genre de pot, t'es un professionnel. J'essaie. Du plein air. Un professionnel du plein air, je sais pas, mais oui. Là, on fait quoi en cette journée merveilleuse de printemps? Ben, ça commence par mer, mais je pense que ça finit par veilleuse. Moi, je resterai chez moi. Ouais, c'est ça. Je ferai attention sur la route. Je pense qu'on aurait tous eu la même option. Si vous avez un congé maladie en banque, là, ou. Mais je trouve que ça, cette journée-là, c'est pas mal. Même pas de congé de maladie, reste chez vous. Prends-le pas payé au pays. C'est ça. C'est l'exemple parfait du cocooning, là. Tu sais, je regarde dehors, puis j'ai envie d'aller me prendre une grosse couverte lourde, chaude, aller juste m'asseoir devant un mur. Un mur et attendre, ben oui. Donc, tu vas nous conseiller des séries télé sur Netflix, puis. Hop là, on en aurait long à dire. C'est ça. Donc, de quoi on parle? Non, en fait, c'est pas parce que t'as parlé de professionnel, puis, dans le fond, j'ai travaillé 8 ans au Atmosphère. Ben, c'est ça, c'est ce que je pensais. Je me suis promené, en fait, de l'Atmosphère à l'autre, dans notre belle région du Québec. Puis, non, aujourd'hui, j'aimerais parler, en fait, des garanties sur les produits, en fait, que vous achetez en Lyon plein air. Parce qu'on sait que des produits plein air, en soi, c'est dispendieux. Oui, c'est dispendieux. Habituellement, ça t'offre longtemps. On l'espère que ça va t'offrir longtemps parce qu'au prix qu'on paye, on veut l'avoir longtemps. Ça dépend où tu l'achètes. Ça dépend où tu l'achètes, puis ça dépend avec qui tu l'achètes, quelle compagnie. Bon, pour les besoins de la cause, c'est possible qu'il y ait des petits noms qui sortent de ma bouche. Peut-être. Je ne fais pas de publicité pour personne, mais reste quand même que j'ai mes favoris. Malheureusement, je reste subjectif dans mes choix. Ben, c'est aussi objectif en tant que tel, parce que leur garantie ou leur politique de remboursement, c'est objectif. Là. Tu peux pas mentir. Non, exact. Comme tu sais, moi, je le sais que si j'achète une paire de souliers sur le site internet de la compagnie, c'est retour gratuit et remboursement complet et aucun problème, même pas de questions posées. Advenant le cas où tu n'es pas satisfait du produit ou advenant le cas où il y a un défaut de fabrication? Ça peut être les deux, ça peut être même utilisé. Je peux l'avoir torturé et finalement, je dis, ah, c'est pas pour moi, je le renvoie, aucune question posée. Tu me donneras ton site internet Alors qu'en magasin, OK, on va vous faire une note de crédit, là. Mais faut que ce soit dans les trois jours. Les commerçants sont toujours réticents parce que si eux se font barrer par la compagnie, si eux acceptent de rembourser le produit ou bien de changer le produit pour un autre, et que la compagnie décide de dire non, moi je ne rembourse pas ça parce que ça ne concorde pas avec la garantie que j'offre. Ben, à ce moment-là, il faut comprendre quand même que la réticence est là et elle est normale. Je comprends ça, je trouve juste ça dommage parce que ça m'empêche d'aller l'acheter là. Ben au pire, je vais aller l'essayer là-bas. Exact. Mm-hmm. Puis l'acheter sur Internet. Je trouve ça dommage parce qu'en tant que tel, j'aimerais ça encourager le commerce local, mais les notes de crédit, pour moi, ça marche pas. Non, je comprends. Je comprends. En tout cas, faut voir les deux côtés, je pense. Ben oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. Puis dans tous les cas, je pense que ça, en ce moment, c'est une grande peur que les commerçants ont au Québec et en fait partout à travers le monde, avec des géants comme Amazon. On va finir par faire des achats en ligne beaucoup plus souvent qu'autrement. C'est qu'ils vont un petit peu, c'est malheureux, mais se tirer dans le pied eux-mêmes, les commerçants. Il y a une adaptation qui se fait par contre. Je peux dire que par exemple, Sport Expert, vous avez maintenant le site internet de Sport Expert qui permet de faire des commandes en ligne. Okay. Ils vont, livrer en magasin. Livrer en magasin, oui, je pense que oui. À la maison ou en magasin? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Des fois, les deux, ça dépend de la place. Mais reste quand même que d'un point de vue marketing, c'est encore plus intéressant de le faire venir au magasin parce que, bon, tu rentres dans le magasin, tu vois les accessoires. Peut-être que ça pourrait faire d'autres achats. Ouais. Exactement. Mais non, c'est ça. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelques compagnies, en fait, des petits clins d'œil qui m'ont fait plaisir et qui m'ont rendu, disons, triste par rapport à certaines compagnies. OK. Est-ce qu'on commence avec le méchant ou avec le bon? On sort les petits émojis, là. On va parler des petits bonhommes clins d'œil. C'est ça, le petit choqué, là. Ouais. Fait que la petite crotte sur le cœur que j'ai ce matin, c'est par rapport à The North Face. Oh! The North Face, en fait. Surprenant. Surprenant, mais par contre, je vais me rattraper après l'histoire. D'accord. Je me suis déjà commandé un manteau. Okay. Un manteau, vous avez sûrement déjà vu ça, les manteaux puffy, là, avec la plume. Mm-hmm. Mais c'est pas des manteaux qui sont excessivement solides, ça. Ben non, hein, sont faits en plume. Exact. Mais attends, le but de ce manteau-là, c'est d'être léger. Oui. C'est d'être compactable. Ou compactable? Ouais, compactable. On peut le compacter. Compressible. Oui, c'est ça. Bon, son fondement, c'est ça. Fait que moi, je commande ça. Là, je le reçois peut-être 5-6 jours plus tard, je vois qu'il commence à avoir des trous. Oh il commence, à avoir des... Il perd ses plumes. Il perd ses plumes. Il perd littéralement ses plumes. En fait, son duvet. Il est comme une poule pas de tête. C'est ça. Mais... Bon, c'est en 6 jours, c'est pas normal. En 6 jours, ce n'est pas normal. Bon, finalement, je m'en vais voir la personne responsable des commandes et je lui demande de rentrer en contact avec le représentant North Face pour savoir s'il y a quelque chose à faire et tout. Puis finalement, je reçois une réponse une semaine plus tard m'indiquant que je dois en fait l'envoyer à telle personne, c'est un couturier finalement, avec qui North Face fait affaire. Donc je me dis, bon, ça fait 6 jours que j'ai mon produit, je ne suis pas satisfait parce qu'il est brisé, j'ai absolument rien fait. Ouais. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un et il ne défrayait pas les frais. C'était moi qui devais défrayer ces frais-là. C'est quand même le fun au moins qu'il n'ait pas dit, ben c'est de ta faute, là. Tu l'as mal utilisé. Ouais, ben, en fait, ils ont trouvé une compensation, mais la compensation en soi, elle ne me permettait pas de jouir du produit ou de la garantie du produit. Ouais. Fait qu'au final... Honnêtement, c'est peut-être la petite partie de l'histoire qui est moins intéressante. Par contre, il faut savoir que North Face offre une garantie à vie limitée. Là étant le point, en fait, c'est important de comprendre le limité lorsqu'on parle d'une garantie à vie. Si, par exemple, je l'ai pendant 5, 6, 7 ans et qu'il y a un défaut de fabrication, là, à partir de là, la compagnie s'engage à le réparer ou à le remplacer si vraiment il y a... OK, mais il est limité au nombre de jours que tu l'as eu puis il brise. Non, mais ben, c'est ça. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est un manteau cher, ça, je me dis. C'est un manteau excessivement dispendieux, en comme fait. Comme dans les... Ils sont tout le temps chers, ces maudits. Ça tournait dans le 700-800 $, là. Oula! 700-800 $. Bon, en travaillant là, bon, des fois, on peut avoir des petites... ristournes, un petit... Mais sa valeur sur le marché... Sa valeur sur le marché faisait en sorte que... Ça m'écœurait, en fait, un peu de me dire, si advenant le cas où j'aurais pas été un employé, advenant le cas où j'aurais pas eu ce genre de rabais-là, est-ce que North Face m'aurait accueilli de la même façon? Mais savait-il, en fait, que j'étais un employé? Je sais pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça reste que t'as été déplumé complètement. J'ai été déplumé, totalement. Bon. Est-ce que tu as toujours le manteau? J'ai toujours le manteau. Est-ce que tu l'utilises? Oui, je l'utilise, en fait, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si dramatique que ça, parce qu'après, ça fait 5 ans que je l'ai. Après 5 ans, il était encore bon, puis j'ai jamais été au couturier, finalement. C'est les mêmes trous du début qui sont encore là. Oui, c'est les mêmes trous, puis bon, j'imagine qu'il doit s'être bouché d'une façon ou d'une autre. Parce que là, de l'aération, ça. Ben oui, ben, c'est ça. D'accord, c'est ça. Il est allé chez PFK, il a remplacé ça par des... Oh boy. Au Polite. C'est ça. Mais j'ai... Oh, le bon point maintenant. Oui, le bon point. Le bon point. Petit bonhomme sourire. Oui, petit bonhomme sourire. J'ai fait affaire récemment avec Arc'teryx. Oui. Arc'teryx, je ne sais pas si vous connaissez en fait le petit fossile. Compagnie assez dispendieuse, provenant de l'Ouest canadien. Dans le fond, le siège social est à Vancouver. Puis... Bon, premier manteau que j'ai eu d'eux, ça fait 8 ans, 9 ans, je l'ai. Proudly made in Canada. Ooh. Fabriqué fièrement au Canada. Honnêtement, ce manteau-là, j'ai jamais envie de m'en départir. Il est parfait. Ah. Chaud, imperméable, couvent, nomme-les toutes, léger, compressible. Tout. Parfait pour quelqu'un de plein air, là. C'est ça. Ben, parfait pour quelqu'un de plein air. Puis je dirais que même ça agence très bien. Ouais, c'est ça. Là, je fais vraiment de la publicité gratuite et je m'en excuse. Et ça doit être aussi très, très cher. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, je sais pas. C'est moins accessible au niveau monétaire, si je le concède. Mais bon, je me suis commandé un autre manteau et. J'ai pogné une plonge. Je me suis planté. Puis, il y a tout déchiré sur le côté. Il y a tout déchiré sur le côté. Puis, c'est un manteau d'environ une valeur de 400 $. OK. C'est plate de penser que, tu sais, après peut-être un mois, deux mois, trois mois que je l'ai, il y a rien à faire avec la compagnie. Donc, j'ai pris une chance. Puis, je l'ai envoyé à Vancouver, littéralement. Finalement, je reçois des nouvelles. La personne était quand même très conciliante. Des courriels à peu près à chaque semaine pour me dire un peu comment ça va au niveau de la démarche. Suivi, la garantie, on le suivi. On t'a pas oublié. Non, mais c'est ça. En fait, j'ai quand même été bien entretenu. Puis là, finalement, elle me dit, bon, le manteau ne peut pas être passé sous garantie, mm-hmm. malheureusement, parce que ce n'est pas un défaut de fabrication. J'avoue. On voit en fait que... Bon, si, t'es tombé dessus. T'es ça, tombé dessus, malheureusement. Il reste des roches. Parce qu'il aurait très bien pu me dire... Écoute, c'est malheureux, on aimerait pouvoir t'aider, mais malheureusement, ouais, on ne peut rien faire. Fait que finalement, elle me dit, ben écoute, moi, ce que je peux faire, c'est te mettre du tape tenace. Tape tenace, dans le fond, juste une pellicule solide sur ton manteau, la juste pour boucher le trou. Je me demande même, en fait, si ça aurait été la même couleur. Peut-être que ça aurait été le même genre de tissu que... Probablement. Mm-hmm. En fait, ça ressemblait beaucoup à du Gore-Tex. Ouais. Fait que, d'après moi, c'est ça qu'elle voulait faire. Ça peut être bien. Fait que, ben, je dis, ben, oui, pourquoi pas. Parce ouais. qu'elle me dit, je vais te le faire gratuitement, puis on va payer les frais pour te le renvoyer. Ah, cool. Fait que, ben, oui. Ben, OK, pourquoi pas. 3-4 heures plus tard, je reçois un message me disant « Ouais, finalement, on a remarqué qu'il était un petit peu plus endommagé qu'on le pensait. Fait que ce que nous, on pourrait t'offrir, autre que du tape tenace, puis on peut s'en tenir à cette solution-là si tu veux, on pourrait t'offrir un manteau, en fait, un petit peu plus haut de gamme. Mais, la seule moins chose, cher. En fait, faudrait que tu le payes, ouais. mettons... Bon, j'ai défrayé peut-être un 90-100$ pour un manteau qui en valait 500$. Ouais. Bon, je me suis planté, c'est mon problème, mais maintenant, on m'offre quand même la possibilité à moins de refrais, parce que là, on tombe peut-être au prix du coste, à peu près. Mm-hmm. Le prix coûtant, en fait, du manteau. D'après moi, c'est ça. D'après moi, ils me l'ont chargé. Le prix qu'eux autres l'ont payé de la même exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça, dans le fond, tout le monde est content. Ben moi, oui. je reçois le manteau. C'est un nouveau manteau brand new. C'est sûr que t'en parles en bien à tout le monde, là. Ben exact. Moi, mettons, cette compagnie-là, maintenant, je veux dire... Tu t'es vendu, là. Ben, je suis vendu. Je suis vendu depuis longtemps, puis ça a juste concrétisé ce que je pensais déjà. C'est fort, ça. Ah, c'est bien, ouais. Fait que, bon, c'est ça, deuxième petite expérience. Fait que c'est ça, je nomme quand même des compagnies, mais sachez quand même qu'en règle générale, l'ensemble des compagnies, quand ils offrent une garantie, ils la respectent. Ouais. Et j'ai beau avoir dit ça sur North Face, j'ai beaucoup de commentaires de plusieurs personnes que je connais, que je côtoie, et même, en fait, lorsque je... travaillait au Atmosphère. J'en ai entendu beaucoup en bien par rapport à North Face. Mm-hmm. C'est une très grande compagnie, c'est une très belle compagnie, offre des très bons produits, si on pourra en parler plus tard. Mais ça donne que toi, tu as une mauvaise expérience. C'est, ouais, c'est ça. N'importe quelle compagnie, quand il vient temps de parler de garantie, c'est que... C'est toujours difficile. Il faut vraiment que tu y mettes le temps. Là. C'est ça aussi qu'ils veulent voir, là, à quel point tu vas mettre le temps pour vouloir ravoir le produit. Ils vont peut-être essayer au début de faire le moins possible. Ben, c'est possible, puis dans tous les cas, faut les comprendre aussi. Mm-hmm. Parce que si advenant le cas où ils décidaient de s'ouvrir à tout le monde, pis ça, c'est bon, c'est bien parce que ça fait une belle entrée à mon prochain sujet. Mais s'ils décident d'ouvrir les portes à tout le monde, de dire « Ouais, pas de problème, renvoyez-nous ça, on va s'arranger. » Ben, je ferais faillite, hein, je suis désolé, mais nombre les de personnes qui renvoient... Ben oui, c'est exact. Malheureusement, on dira ce qu'on voudra, mais les gens, en soi, sont profiteurs. Ben oui. Si j'ai la chance de retourner mon manteau gratuitement n'importe quand, ben... Et on a entendu des affaires comme ça, c'est la compagnie L.L. Bean aux États-Unis qui est obligée de changer sa politique, où c'était à vie sans facture. Ouh. Donc, il y a des gens qui allaient là avec un produit qui n'a jamais été même vendu là. Puis qui en recevait, tu sais, qui recevait... Wow. Mais, de l'argent en retour ou un autre produit équivalent. On dirait que j'ose croire quand même que ça, c'est des cas isolés. J'ose croire, en fait. Oui, que... mais ils ont changé leur politique. Maintenant, c'est un an. Ouais, c'est ça. Ouais. Un an. Avec une facture. Oui, quand même. Un an, c'est quand même drôle. C'est drastique comme changement entre garantie à vie à sans vie. Facture et boom, un an avec papier, genre avec assure. Drastique, mais ça reste très lousse comme politique. Oui. Et ils ont du cas par cas aussi qu'ils peuvent faire. Ben, tu sais, disons que là, c'est le fun que t'en parles parce que ça m'amène à mon prochain sujet, les sacs Osprey. Mm-hmm. Sac Osprey, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est quelque chose. T'es pas au fait de l'actualité, on m'a. T'es pas au fait de l'actualité plein air. Ospreynet. Osprey. O-S-P-A-Y. Oui, j'ai voulu commencer en anglais, finalement, mon cerveau a retraduit. O-S-P-R-E-Y, Osprey, une compagnie californienne. Puis eux offrent une garantie à vie du produit pour n'importe quelle raison. Donc, ces sacs-là, avant que tu le demandes, oui, ils sont un peu plus dispendieux que la gamme. J'imagine. Par contre, ce n'est pas excessif, la différence, mettons, entre... Okay. Non, c'est vraiment intéressant. Puis je dirais peut-être un 20, 30, 40 $ tout dépendant de la grosseur du sac qu'on va aller chercher. Mais le sac est garanti à vie, peu importe... peu importe le bris exact. Okay. Là, on parle pas de défaut de fabrication. Ah, le zipper, il a brisé. Ah, le cordon, là, il a lâché, il est lousse. Non, c'est... Mon chien a grugé mon sac, je le renvoie à compagnie. S'ils sont pas en mesure de le réparer convenablement, ben ils me l'échangent pour un produit de l'année. Wow. Là, à ce moment-là, vous me direz, ouais, mais là, tout le monde va abuser. J'aurais tendance à dire qu'ils se basent sur la bonne foi des clients. Ouais. En règle générale, c'est des produits qui sont plus haut de gamme, donc ce n'est pas la même clientèle qui va acheter ce genre c'est de sac-là. C'est pas un sac à 20$. Là, non, exact. Je pense pas que ça soit le genre de personne qui retourne des produits, qui achète ce genre de produits-là. Je ne pense pas. C'est peut-être péjoratif, je m'en excuse, mais... Mais dans tous les cas... Je suis d'accord. Étant un gars qui fait rembourser beaucoup d'affaires parce que je suis jamais satisfait, je comprends ton commentaire. Mathieu est un éternel insatisfait. Ouais, mais je m'arrange pour qu'il soit encore en état de... Mais j'aurais tendance à te dire que si tu cherches un produit haute qualité là, qui va te toffer longtemps et advenant le cas où il ne toffe pas longtemps, tu le renvoies accompagné. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure garantie que j'ai vue de ma vie pour avoir travaillé 8 ans. Exact. Ouais. Donc là, ben, c'est ça, en fait, l'exemple du chien, je l'ai pris parce que ça m'est réellement arrivé. En fait, j'ai prêté en fait mon sac à une de mes amies, puis malheureusement, pendant la nuit, le chien s'est levé puis a commencé à gruger l'intérieur du sac. Malaise! Mon ami qui arrive, je m'excuse, hein, c'est pas, je voulais pas, ben là, c'est mon chien. Pas grave, le sac est garanti à vie, y a pas de problème là. Ça faisait des faux pubs genre. Est-ce que ça vous est arrivé? Attendez! Inquiète-toi pas, ça va aller! Mais, fait que c'est ça, en fait. Fait que les garanties, faut faire attention, faut comprendre en fait que le commerçant ou en fait l'entreprise veut quand même conserver le plus d'argent dans sa poche, ce qui est normal. Ben oui. Mais oui, en même temps, faut quand même toujours se fier aux bonnes mesures. Disons, si j'utilise une paire de souliers pendant 2, 3, 4 ans, et ensuite je me rends compte que la semelle est percée, je ne peux pas la renvoyer en garantie. Non, évidemment. Ben en fait, non, c'est j'en parle parce que je me dis si ça peut désengorger. Crois-moi qu'il y en a. Il y a des messieurs qui arrivent qui disent ah, mon soulier, ça fait 6 mois je l'ai, puis il est déjà percé. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis facteur. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez marcher environ 10, 15, si c'est pas 20 km par jour. Non, peut-être pas 20 km par jour, mais environ peut-être 15 10 km. 10 heures par jour. Ben, c'est ça, 10 heures par jour. C'est plate, mais à 5 fois semaine, 30 fois par an. Une rotation de souliers un peu. Ben oui, un peu comme ça avec tes manteaux. Tu dois avoir une rotation de manteaux. T'as-tu un walk-in de manteau? En ce moment, je dois avoir environ 4-5 manteaux Arc'teryx. Wow. Je me suis équipé en conséquence, mais. Ben oui. Ben, tu sais, disons que. Je vais faire une embardée avec ça, là. C'est que je me rends compte que les produits de plein air, en 8 ans de travail, là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des caractéristiques pour chacun des produits que tu vas aller chercher. C'est vraiment intéressant parce que là, en ce moment, maintenant, je peux dire que j'ai mon manteau d'hiver. Manteau d'hiver qui est chaud, qui est un petit peu plus lourd quand même, mais qui est coupe-vent, qui est imperméable. Je vais avoir la doudoune, ce que je parlais, en fait, la doudoune North Face, qui est vraiment chaud, léger. Confortable. Confortable, exactement. C'est parfait pour hiker. Ben oui. Ben en fait, parfait pour le moment où tu pars, du début de la montagne, on part, on monte, on n'a pas besoin de la doudoune. Là, il fait chaud, on produit de l'énergie, on produit de la chaleur. Mais une fois que j'ai rendu en haut, là, qu'il y a du vent, qu'il fait froid, que je bouge plus, je sors cette petite couverte-là là, qui vient me recouvrir. Tu traînes ça sur toi, là, tout le long, les manteaux. C'est tellement compressible. Ça mets ça dans un sac de compression, puis ça paraît même pas. C'est gros comme une bouteille à 1 litre, mettons. Ah, ouais. Oh, non, c'est minuscule. Puis, ben c'est ça. Fait que là, t'as des manteaux pour couper le vent. Ultra léger, coupe-vent, imperméable. T'as un manteau un petit peu plus robuste si tu décides d'aller faire du ski pour couper le vent également. Fait que non, tu te rends compte, au même titre que les sacs à dos, un sac à dos, en ce moment, si tu me demandes combien de sacs Osprey ou combien de sacs en général j'ai, je dois en avoir 6, 7, si c'est pas 8 chez moi. Oh, ouais, non, j'en ai quand même beaucoup. Fait que toi, tes marques, là, c'est vraiment tes marques à toi. Là. Comme moi, mettons Apple, Nintendo, tu sais. Oui, en fait, on a tous nos branding favoris, qu'on aime, fétiches, qu'on préfère, c'est ça. Exact. Puis moi, disons, je les ai adoptés pour le côté pratico-pratique. Mais, mettons, un sac d'expédition, ça n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un sac de randonnée, qu'un sac, disons, de tous les jours, qu'un sac pour aller faire du ski. Fait que c'est ça, finalement, je me suis équipé en conséquence, parce qu'en 8 ans... Des rabais, c'est intéressant. Ah, 8 ans de travailler là. 8 ans de travailler là, mais t'as des rabais employés, mais veux pas, t'en profites. Fait que non. Mais c'est ça, en fait. Fait que la petite rubrique d'aujourd'hui, c'était plus pour conscientiser nos chers auditeurs à rester vigilants, en fait, par rapport aux garanties, de prendre en considération que les produits de plein air, oui, sont dispendieux. Habituellement, en fait, plus souvent qu'autrement, vont être très solides, vont être très durables, mais quand même, faut être aux aguets. Faut savoir, en fait, dans quoi on s'embarque. Parce que j'ai beau avoir critiqué North Face tout à l'heure, comme je le disais, mais c'est une très bonne compagnie et je ne doute pas que dans la grande la grande majorité des cas, elle va être là pour ses clients. Mm-hmm. Mais c'est plate, mais une expérience comme celle-là, comme première impression, c'est pas génial. Non, clairement. C'est comme un restaurant que j'ai commandé en fin de semaine, ça a absolument rien à voir, mais j'ai commandé une pizza et une poutine, évidemment. Oui. Puis la pizza, t'as comme toute la garniture d'un côté, genre, fait qu'elle avait été penchée, puis la poutine, t'as comme déjà ouverte dans le sac, puis tout défait dans le fond du sac. Hein? Fait que moi, c'était comme, OK, je suis pas sûr que je vais recommander là. C'est ça, hein? On nommera pas de nom, non, mais... c'est ça. Tu sais, j'aurais pu les appeler, tu sais, puis j'aurais pu faire une plainte, puis là, après ça, t'as peur qu'ils te crachent dans ton repas, fait que je sais pas. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, commander, mettons, du poulet, puis je nomme pas de nom encore une fois, mais reste quand même que la personne, puisqu'on est à l'école, n'était pas familière avec, disons, l'institut, le campus. Ça a dû prendre environ 45 minutes, une heure, puis la personne est venue, est repartie, ils m'ont rappelé. Là, ils m'ont toujours pas trouvé, mais ils ont pas changé mon poulet. Moi, ça faisait 45 minutes que j'attendais, puis c'était rendu froid. Puis le chauffeur, quand il est arrivé, il avait l'air bête. Colère contre moi, il avait l'air bête. Je suis, hey, s'il y a quelqu'un qui doit être bête en ce moment, c'est moi. Ça fait longtemps que j'attends, j'ai faim. C'est moi le client, puis je suis désolé. Je veux dire, le campus universitaire, il y a des pancartes. Ben oui, puis c'est un pilier, en fait, à Trois-Rivières, selon moi, en fait, selon ma perspective de gars qui vient pas de Trois-Rivières. Ben c'est ça, tu devrais avoir beaucoup plus de commandes, sur le campus. Je veux dire, les étudiants, en soi, ils mangent des fois des commandes, ils se commandent la pizza, ils se commandent des. Mais en tout cas, c'est une mauvaise première impression dans mon cas. En plus, c'est le cœur que j'avais, que tu avais. Plus d'une heure. Ah, mon Dieu. Hey, faites-vous à manger, les boys. Vous n'avez pas de problème là. Le samedi. Le samedi de temps en temps. Là. Hey! Mais j'ai mangé, v'là pas long, du chinois, dans le fond. Oui, oui, de, oui. De l'asiatique. De l'asiatique, exact. Des mets asiatiques. Puis, honnêtement, là. J'avais jamais mangé ça, j'avais jamais été dans un resto asiatique pour me commander en fait une grosse un gros sac brun avec des plats de hummus, des nouilles, ben, mais c'était bon. Oh mon Dieu. Wow. Jimmy Thibodeau qui est là pour sa chronique Gauche Arbre et Vue, salut. Bien le bonjour. Ça va? Ben ça va bien, merci. Est-ce que t'as attrapé ce que Tania a? Ça y pique dans le fond de la main. Ben parlez-moi-en pas, ça risque de m'arriver aussi, parce que vous le dites. De l'urticaire, hein, ton prochain sujet, j'imagine que ça va pourquoi te provoquer. Pourquoi est-ce que t'as un léger tempérament? Comment t'appelles ça, quelqu'un qui a peur d'avoir les maladies déjà? Hypochondriaque? Non. Non, c'est juste que... La démangeaison aussi, je pense que c'est quelque chose de... Je pense que c'est le tas de l'année pour ça, présentement. Ouais. Il y a de l'empathie des fois qui marque dans la démangeaison. Comme dans le bâillement, des fois, je trouve. T'as raison. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, hypochondriaque, des fois, tu vois un insecte, quelque chose, puis ça te met à te gratter, à te piquer parce que tu penses qu'il va te... C'est ça, exact. En tout cas, bref, est-ce qu'il y a un lien à faire avec ton sujet? Je cherche un lien, mais je sais pas c'est quoi ton sujet. Aucunement. Lien possible. J'essaye des fois, tu sais. Non. La plupart du temps, ça marche. Mais je pense qu'il y aurait des. Ben non, ce serait des liens extrêmement douteux, non? Ah, mais c'est ma spécialité! Bon, mais non, je vais parler aujourd'hui de la gauche et la manière qu'elle voit le surpoids en société. Ah? L'obésité? Mm-hmm. L'enrobage. Chocolaté. Mm-hmm. Bon. Ça aurait pu faire à Pâques, peut-être, mais. Ouais, ça aurait pu. Mais bon, voilà. La gauche, là, c'est. Ben, ça va être mon introduction. La gauche aime beaucoup utiliser la dichotomie groupe opprimé, groupe oppresseur, si on veut. Mm-hmm. Puis, c'est l'un ou l'autre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre option. Donc là, on se porte à la défense des victimes. Mais c'est pas avec moi, t'es contre moi, c'est ça? C'est ça la dichotomie? Dans ce cas-ci? Mettons, ouais. Puis là, il y a comme des mauvais, puis il y a des gentils qui sont opprimés. Tu sais. C'est souvent une logique que la gauche fait pour discuter de certains débats, donc de manière assez noir et blanc. Mais, puis, c'est quand même une intention noble dans la mesure où on veut quand même protéger des gens qui ont des droits qui sont brimés, des choses comme ça. Bon, même si des fois c'est un peu caricatural. Mais aussi, derrière ces intentions-là nobles, il y a des fois, je pense, des mouvements qui n'ont pas leur place, des mouvements de déresponsabilisation collective. Puis, il y a des groupes de défense de personnes qui rentrent dans cette catégorie de déresponsabilisation-là. Puis, je parle, bien sûr, de ceux qui sont en campagne contre le stigma supposé du surpoids. Puis, il y a ceux qui sont partis en guerre contre le fameux culte de la minceur. Ouais. Mm-hmm. Ben, ces gens-là, ceux qui sont... s'il vote en guerre contre le cul de la minceur, ben c'est là qu'il y a un problème. Puis bon, là, je vais m'expliquer, je vais être plus clair. Là. Parce que c'est sûr que il y a des choses qui sont

difficile ou que la personne ne peut pas faire autrement dans certains cas exceptionnels. Mm. L'idée des gros os ou des affaires que c'est pas de sa faute, c'est les gènes, là, la plupart du temps, c'est pas mal plus parce que c'est pas vrai. Là. Mm. Mais des fois, ça peut être vrai, donc il faut respecter ça. Mais bon, sinon, il faut être critique. Puis non, puis le surpoids, ben c'est mauvais, puis c'est comme la cigarette. C'est un problème de santé aujourd'hui populaire. Puis il faut y remédier. Donc voilà, ce n'est pas un groupe opprimé, les gens en surpoids. Bien sûr, ils ont du stigma aussi, c'est sûr, oui, c'est clair. Aussi, on peut faire les deux. Hein. On a le droit de les encourager à être inclus, ainsi que les encourager à faire quelque chose. Exactement, mais l'un n'implique pas nécessairement l'autre. C'est non, exact. Voilà. Voilà, Jimmy Thibodeau, un sujet, comment dire, lourd, hein, c'est ça? C'est qu'il fallait que je finisse par ça, je pense. Jimmy Thibodeau, gaucher bien vu, on te retrouve la semaine prochaine, c'est toujours, on te retrouve bien la semaine prochaine, ouais. Oui, pour la dernière chronique de la session. On a gardé Antoine Lapointe-Ricard avec nous. Oui! Juste parfait comme timing pour se faire une petite chronique improvisée. Ouh là là! Allons-y! Avec une grosse pointe d'adresse! Oh! Oh! Boom! Boom! Mais ça! Une grosse pointe d'adresse! Oh ouais? Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on achète un produit en dépanneur, en épicerie, en pharmacie, et on mange ça ou on boit ça pour la première fois en onde. Et Antoine Lapointe-Ricard, qui est avec nous, collaborateur à l'émission depuis quand même un bon petit bout de temps. Un petit moment déjà, oui. Mm-hmm. Quelques semaines. J'aurais pas pensé. Et t'as fait cette chronique-là, quoi? Une fois. T'as aimé ça? Oui, j'ai adoré. Tania? Quoi? T'as jamais fait la chronique avec lui? Non, il m'a remplacé. C'était la fois, c'était ça. Ouais. Exactement, c'est la fois où que j'étais incapable de parler. C'est vrai, t'avais une gorge en feu. J'étais dans l'impossibilité de pouvoir dire quoi que ce soit. Dans l'impossibilité de nous répondre. Sous l'ordre du médecin. Donc Antoine qui t'a bien remplacé, je me rappelle pas, on avait goûté quoi? Oui, du chocolat. Oui, du chocolat, Café Crips, oui. Café Crips Sticks. Oui. Donc on va faire autre chose pour pas te faire goûter deux fois la même affaire. Et j'ai ça dans mon sac, j'ai fait la même chose avec Tania la semaine passée. D'essayer de choisir un produit dans mon sac d'épicerie. J'ai vu une canette. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ben, tu veux manger. Ouais, je goûterais quelque chose à boire. Est-ce que t'aurais envie quelque chose de plus agrumé ou alcoolisé? OK, fruité? Avant que tu continues, vas-y. Est-ce que nous sommes en position de pouvoir servir quelque chose présentement? OK, t'es allé... Oh, t'es nous allé... Nous sommes en position de pouvoir servir quelque chose présentement. En fait, j'avais des verres de backup dans mon tiroir depuis quelques semaines. Il a réussi à... C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a le premier sur le dessus? On est parfaitement. OK, donc... Alcoolisé. Alcoolisé? À 8h40 le matin. Aller à l'air en feu. 9h, moins ça. J'ai rien contre ça. Espèce, pas du gin. Au pelail. Oh, melon d'eau. C'est du Poppers. OK. OK. Au melon d'eau Ice Extra. Je sais pas pourquoi il est extra, mais c'est marqué premium en dessous. Premium. C'est parce que c'est bien fort. Il y a bien de la vodka. C'est du 9%. Dis-moi que ça, c'était dans un frigo. Ouais. Ouais, OK. C'est ça. C'était dans mon tiroir. Tablette. Ouais, mais il fait tellement froid dans les bureaux. Mais c'est ça, c'est vraiment froid. C'est ça. Veux-tu la mettre dehors? Merci à l'université. T'as accès à la fenêtre, si tu veux. On pourrait écouter combien il fait dehors. Oui, c'est ça, exactement. Ben... Donc, melon d'eau Ice Extra Premium, arôme naturel, 9% d'alcool, 710 ml. Sur le devant, il y a un morceau de melon d'eau coupé en tranches. Et un melon d'eau complet. Moi, j'ai hâte de savoir si ça va goûter le melon d'eau comme quand tu croques dans un melon d'eau ou si ça va goûter le melon d'eau chimique. Ça ne goûte jamais comme quand on croque dans un melon d'eau. Là. Est-ce que ça va goûter pas grand-chose dans le fond. Le melon d'eau de quand on a goûté à la fucked up ensemble? Oh mon Dieu, j'espère que ça goûte pas la fucked up. C'est sûr que ça va goûter. Ben, ça goûtera peut-être pas comme la shocked up. Shocked up, fucked up. Je me suis mélangé. Shocked up, c'est la bière. Je suis des bières, oh oui. Non, nous, on parle de l'horrible boisson alcoolisée. La vieille fucked up. J'ai des frissons, y'a qu'à y penser. Ah, c'est vrai. Oh, moi mais elle ne se vend plus sur le marché. Si non, je me trompe c'est pas. Tant mieux parce que c'était dégueulasse. Hein? C'était vraiment pas bon. Ben, en fait, on a l'équivalent ici. Par contre, acheté en dépanneur? En épicerie. En épicerie, même. OK. Ouais, Poppers de même, en épicerie. Ah, c'est dispendu ou, tu sais, c'est pas 5$ la canette, mettons. Non, c'était pas si pire que ça. Il me semble que c'est dans le coin de peut-être 4, je sais pas. 4? Peut-être 3. Ben, c'est une grosse canette. Ouais, c'est une grosse canette. C'est une grosse canette, 9%. D'alcool, là. Ouais, ben c'est ça. Boisson de malt. Ouais, ouais. Mais en fait, finalement, c'est une fucked up, mais offert par Poppers. Ben... c'est l'équivalent, en fait. Mais je sais pas, parce qu'en tant que tel, c'est vraiment de ben, la... Ben, c'est vraiment moins pourcentage d'alcool. Oui, 3%. Et c'est de la boisson moins. De malt. Donc, dans le fond, c'est comme une Poppers ou le truc ice, là. Ouais, ouais. Bon. Exact. Mais au melon d'eau. Fait que c'est pas vraiment comme un fucked up. Fucked up, c'était plus mélange de saveurs, boisson, bière. Vomissement. Ben c'est pas mal ça, y a rien à dire. Y a rien à dire, garçon. Okay. À part boisson de malt, là, y a aucun c'est... détail. Personnellement, je trouve que la canette l'échappe un peu. Je la trouve pas ouais, attirante. Très... Basic, hein? Épuré. Bon. Épuré. Ben ça, épuré est comme beaucoup trop de détails. Oui. T'sais. T'as melon d'eau en petit, ice en énorme, extra premium. Premium. Pourquoi tu mets le extra premium? Super plus ultra c'est glossy. Incroyable. Exact. T'sais, même ça épuré. Mais ça épuré, on a besoin d'avoir quelque chose de clean, de pur, de beau. Là, en ce moment, je trouve qu'il y en a trop. Mais c'est pas grave, c'est en mon plus, avis. Melon d'eau, il y a une texture à avoir avec ça qui aurait pu faire quelque chose de beau. Là, t'sais. Oh. Mais ils l'ont mis tout petit. Oh. Ouais. Les melons sont plus petits que le texte. C'est vrai. C'est consigné 20 cents. Ben, oh, okay. Ben oui, c'est bon, une grosse canette. Quand même. Hein. Je pense. Parce qu'il faut que tu réussisses à la boire au complet. C'est ça. Où est rendu le micro magique? Ah, je te l'ai tassé. Hein. Il est rendu de l'autre bord, le micro magique. Ouais. Là. Oh, le haut, ouais. Oh, le micro magique. Ah, je l'ai tassé, il était dans mon angle. Ça me cachait la face. C'est important de voir ma face. Donc, vous êtes prêts? Ouais. En espérant que ça fasse des bulles. Pop nous le poppers. Oh! Oh! Oh, ok. On aime ça. Oh. Pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe bien. Très bien. J'aimerais mentionner que sur la canette, c'est marqué natural flavor. Oh, saveur naturelle. Donc, ça pourrait goûter le vrai melon d'eau. J'ai eu une odeur de vrai melon d'eau ou de melon d'eau chimique? Oh, c'est rose. Ben, c'est très rose, là. C'est rose. Je me demande jusqu'à quel point, en fait. C'est pétillant, hein, de la pommeuse. Ouais, je pense oui, que c'est pétillant. Ouais. On alors. Semble avoir une bonne portion de... 9%. De drink ce matin à 9h moins quart. Antoine Lapointe-Ricard qui, en passant, sert de l'alcool à la chasse-galerie. Ah, c'est pas le naturel, me vous le dire. OK. Tu sais, là, la pâte à modeler au melon d'eau. Ça sent vraiment, ouais, oh, mon puissant. Dieu, ça sent... Mais peut-être que froid avec de la glace, bon, ça sur couperait. Sur une terrasse, ça, là. Ça couperait. Ouais, ben, sur une terrasse... Ben de la glace, mettons, ouais, là. Ça. Dilué à fond. Déjà sous avant, à l'avance, genre. Oh mon Dieu, j'ai peur. Parfait. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur, on dirait que... Mm. Ça sent trop sucré. Est-ce qu'on y va? On y va. OK. Ouh, ça frappe fort. Il est 9h moins quart, hein? C'est vraiment bon sucré, matin, hein? Les cocos! C'est vraiment sucré, mais je le redis. Puis ça, c'est en fait la même chose avec la fucked up ou avec la... comment ça s'appelle déjà l'autre Four canette? Loco. La Four Loco! Mais c'est un peu la même chose. Caliente! Non, mais... Ça moi, prend de dedans, ça... Tu sais, mettons, quand j'en buvais, c'était tout le temps avec avec la de glace. Non, pour la diluer un peu? Pour la diluer, okay. En fait, mais c'est parce que tu sais, ça la rafraîchit énormément. Ouais. Ça rend le produit beaucoup plus froid. Puis une fois que, mettons, ça se dilue peu à peu, tu le goûtes vraiment ouais. moins. En ce moment, ça, je suis sûr que ça pourrait ne pas être mauvais s'il était bien dosé puis qu'il y avait un peu de glace juste au moins pour refroidir. Peut-être. Puis on l'a dit, mettons, en été à 30 degrés. C'est ça. Ça pourrait être intéressant. C'est par contre, sucré, hein? Vraiment trop. Vraiment sucré, oh oui. Et le goût du malt, on le répète, là, mais on est, en tout cas, d'habitude à l'émission, quand on goûte quelque chose au malt, on n'aime pas ça. Et il y a ce petit goût-là, ce petit arrière-goût bizarre de malt que je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils essaient de couper le malt avec du sucre. J'ai l'impression qu'ils se disent, on va juste mettre plus de sucre. Pour piler par-dessus le malt. Pour piler par-dessus le malt. Mais parce là, qu'il y a le même arrière-goût que la fucked up. Pis, Ben, c'est pour ouais. ça que je disais ça tantôt. Il y a peut-être moins de pourcentage d'alcool, mais honnêtement, pas mal sûr que si on. J'ai regarde... des frissons un matin. Là. Ouais, des hein. frissons. Mais ça, pour vrai, en slush, ça serait bon. Parce que oui. c'est Palm Bay. Ouais, qui ont des slush. Slush. C'est extraordinaire. T'achètes ça où? Ben, j'en ai acheté un SOQ. Sac, je pense. C'était si délicieux. Mais c'est de la slush? C'est de la slush. Ben, dans le fond, c'est une petite pouch, une petite pochette oui. à la genre. C'est quoi les poches de jus pour Kool-Aid. L'enfant? Kool-Aid. Ouais, c'est ça, en tout cas. Ok. Tu sais, que tu mets ça au congélateur pendant je sais pas trop combien d'heures. Tu le sors, tu le verses dans une coupe avec une paille, quelque chose comme ça. Ouais, c'est tellement bon. Comme il y a de l'alcool, ça peut pas complètement geler. Exactement. Ah. Et c'est au melon d'eau aussi, donc ça me rappelle un petit peu ça, mais en slush, mais en c'est meilleur. Ouais, c'est ça. En moins bon. Mais tu vois, moi, j'irais un peu, comme Antoine disait, avec vraiment beaucoup de glace, mais je serais du genre à. à y mélanger autre chose. Comme? Un peu plus de vodka là-dedans. Ben non, tu sais, mettons un vin blanc pour en faire une sangria parce que ça a vraiment un goût sucré de bord de piscine. Ah, ça pourrait être pas pire, ça, quand même. J'avoue, je ferais ça, ouais. Vin blanc avec Watermelon Ice Extra Premium. Poppers. Tu rajoutes de l'eau pétillante pour être sûr que ça dilue bien. Ça le sert. Mais est-ce qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est extra là-dedans et qu'est-ce qui est premium? C'est le goût de malt qui est extra. Je me demande vraiment, en fait, à quoi la personne a pensé de juste... Extra premium ice. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ils ont écrit natural flavor. Ça goûte zéro naturel, ça, là. Ouais, mais il y a sûrement eu du naturel à quelque part dans les étapes. Ils ont peut-être déjà mis quelque part un petit produit qui était naturel. Un morceau de melon d'eau. C'est ça, ils ont juste mis dans grosse bassine, 800 litres, un petit morceau de melon d'eau, puis ils ont dit « Hey, gang, on tient une quoi de naturel? » J'espère que ça paraît toujours mieux. Ben, c'est ça. Je veux dire, aux yeux du consommateur, quand c'est naturel, c'est bon. C'est vrai. C'est comme les produits naturels homéopathiques. Ben oui. Une goutte de quelque chose dans un océan de d'autres choses. C'est maintenant naturel. C'est ça. Est-ce que t'as autre chose ou c'est la seule chose? Attends un peu, je vais finir ma gorgée. J'ai peur de prendre la gorgée. T'as réussi à boire tout ton verre? Ben, j'ai pas haï ça, moi. Hey, on va être sous à 9h05. Moi, je mets mon pouce en l'air pour ça. Antoine a comme des grandes faces de gars qui, comme, trippent pas sur le melon d'eau. Non, mais c'est ça. Le melon d'eau, en soi, c'est pas tant mon brûlage. Okay, c'est le contraire. J'adore le melon d'eau, j'aime pas le malt. Mais c'est assez bon pour que les idées que Tania a amenées me fassent dire que je mets mon pouce en l'air, vous autres. Ouais. Ben, j'ai-tu le droit de côté? Côté. Je suis neutre, en fait. C'est parfait, ça. OK. Présentement, je les mets de côté à cause du goût du malt. Ok, je vais aller sur le côté aussi. Non. Okay. Je vais pas changer d'idée en cours. Le premier choix est toujours le meilleur. Exactement. Fais-toi confiance. C'est ça, ce qu'ils disent. Bon, ben, si vous voulez avoir d'autres choses, moi, je veux d'autres choses. Alors, on va manger. Ben, c'est ça. On a des pour vrai, j'ai comme beaucoup trop de produits de sperre qu'on peut durer encore les deux dernières semaines. Okay, c'est bon, ça. Bon, on va voir qu'est-ce que j'ai envie de goûter, en fait. On pourrait goûter à quelque chose que... Je sens l'alcool me traverser, là, tu sais. Ouais, hein. C'est le fun. La petite vibe alcoolisée. Ah, c'est ça, à 9h le matin. Ouais. Très bon. Il y a pas de... Tu sais, il est toujours midi à quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. L'apéro. David Ferron, il y a un produit qu'il n'aime vraiment pas. Donc, vu qu'il n'est pas là aujourd'hui, ce qui commence à être un petit peu moins rare. C'est pas le gingembre? Non. Ah, non. Je pense à autre chose. C'est le mélange de deux saveurs qu'il trouve que ça fait pas ensemble. Oui, c'est le sucré salé. Ouais, et le orange et brun. Le cheddar et caramel. Non, sucré. Sucré. Orange le et brun. Le Reese. Ah, le Reese, oui, c'est vrai, Reese il aime pas orange. Le Reese. David Ferron aime pas les Reese. Ouais. Ah, beurre d'arachide et chocolat. Beurre d'arachide et chocolat, il aime pas ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé, et que j'en avais déjà parlé à la chronique, j'avais dit, c'est un des nombreux produits Reese que j'adore. Tu sais, j'avais parlé des Reese en bâtonnet, Reese en grosse barre. J'adore celle-là, c'est incroyable. Ben, celui que j'avais pas encore goûté, c'est les Reese grand moule avec des morceaux de Reese's Pieces. Oh mon Dieu, ça a l'air à l'intérieur. Ça a l'air vraiment cochon. Hein? Fantastique. Tu vois, mettons ce que je disais tantôt par rapport au visuel. Ouais. C'est ça. Que Extra pas réussi. Que le Poppers Melon Ice Extra Premium, j'étais vraiment pas sûr. Mais lui, je le regarde, puis même s'il y a beaucoup d'écriture, la couleur, ça fait cirque un peu. C'est attrayant, exact. Ouais, ça fait clownesque. J'achèterais ça. Là, tu fais quasiment platounet. C'est vrai. On va arrêter de s'acharner sur lui. On va le mettre de côté. Là. On le voit plus non plus. Donc, Reese, grand moule avec rempli de pieces. Donc, les pieces, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des genres de Smarties, mais avec du beurre d'arachide à l'intérieur. C'était pas mal la même chose. Des M&M. C'est comme des M&M. C'était le bonbon qui a été en vedette dans le film E.T. Oui, Reese's Pieces. Wow, okay. Ça aurait dû mettre ces bonbons-là sur la map, mais je pensais en fait que c'était des M&M qui avaient. Mais non. Hop. Ah ouais, c'était ça. Ils le disent dans le film. Ben, je pense qu'ils le disent pas, mais c'est leur couleur qui te le disent parce qu'ils sont jaunes, orange et brun, les Reese's Pieces. Ouais, ils font un petit chemin pour E.T. Hein. Exactement. E.T. Ouais. Tellement ça. grand format, donc bon, je me suis dit, je vais en acheter juste un. Vu que c'est grand format, je savais pas trop combien on allait être, mais je pense qu'on est capable de se partager ça. On devrait être correct. Je suis marqué que c'est nouveau. C'est des friandises moules au beurre d'arachide. Sinon, il n'y a pas grand d'autres détails à l'arrière. C'est nouveau ou c'est juste en fait que nouveau, le format est nouveau? Moi, je pense que c'est peut-être nouveau au Canada parce que j'avoue que j'avais pas encore vu ça dans notre coin. J'avais vu déjà dans des articles aux États-Unis, mais tu sais, des fois, on est un petit peu en retard. Puis ça, pour vrai, je pense que ça avait pas le choix de s'en venir parce que Colin, que ça a l'air d'être merveilleux. Wow. Je veux pas vendre. Mais c'est vrai que ça a l'air très très bon. J'adore les Reese's Pieces. C'est par Hershey. C'est bon jusqu'en septembre 2018. Oh, voilà. Je vous lance ça, attention. Yup. Oh, le catch. C'était moyen, ça. Notre micro magique est encore une fois très disponible. Je trouve qu'il travaille à temps partiel, mais quand même, il est là. Bon, on va checker ça. OK. Vu qu'on entend les pieces bouger là-dedans. Pas sûr. Pas sûr. C'est entouré de... De chocolat. Ben non, de bird peanut. Puis de chocolat aussi. T'as-tu déjà vu du bird peanut faire du bruit? Non. C'est ça. T'as raison. Et voilà. Oh là là. C'est aussi beau que ça en a l'air. Est-ce qu'on voit les Reese's au travers, les Reese's Pieces? Non. Je pense pas qu'on les voit au travers. Non. Mais ils sont vraiment profonds. On dirait profond, un petit cupcake, hein. Là. Ouais, c'est vrai. On dirait, waouh. Imagine avec du glaçage. Non, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on a faim un matin. Je pense qu'on va envoyer Tania chez Haché. Mathieu, est-ce que... développeuse. Comment on le sait pas? Ouais, on qui veut mordre dedans? Il y en a un qui doit mordre dedans puis le laisser à l'autre, je pense, non? Mais non, mais là, woman. Ah, mais là, on a pas de couteau. On va utiliser notre gros bon sens. C'est prévu cette chronique-là. On va diviser la chose en deux. Tania à la main, hein? Mets la main et à voilà. La pâte. Et voilà. Puis moi, est-ce qu'on voit dedans les Reese's Pieces? Oui, on les voit. On les voit. Oh, ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Est-ce que je viens de mettre ça dans ton verre d'alcool? Non, j'avais un autre verre. C'est le verre que j'avais mis. Ah oui, c'est celui qui avait de l'alcool dedans. Oh non! Ton Reese va goûter le melon d'eau? Peut-être. Oh, yeah. On voit à quoi tu penses. Moi, je pensais qu'il allait goûter le melon d'eau. Toi. Va goûter le mal. Je pensais que c'était le dernier verre qui me restait. Les pieces dedans ne sont pas complètes, par contre. Il y en a. Moi, j'en ai une complète jaune. On le voit vraiment bien. OK. Ah oui, toi, oui. Ouais. Moi, j'ai des morceaux. Okay. The pieces. Mais je pense que c'est des restants. Ceux qui n'ont pas fité dans leur petite boîte de Reese's Pieces, ils se sont dit, OK, possible. On les met à part, on les met dans les Reese's, comme on avait ça, grand moule. Avec... Ouais. Il aurait pu trouver un nom pour ça. Hein? Oui, en effet. Reese grand moule avec Pieces, hein? C'est pas très vendeur. Hein? C'est grand format. Grand moule with Pieces. Tabarouette. Avec des petites chutes de fond. De... Bon. On goûte? On goûte, allons-y. Hum. Oh, c'est la meilleure saveur au monde. Oh, ça, je mangerai que ça sur une île déserte pour le reste de ma vie. Mais, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est prendre un moule de chocolat avec du beurre de peanut. Ouais. Puis on a mis des morceaux de moule de chocolat avec du beurre de peanut. Croquant. Ouais. Wow. Mais, moi, j'ai mangé une bouchée qui est la moitié d'une moitié, donc un quart, et j'ai pas pogné de Reese's Pieces. Moi non plus. Ça, c'est décevant. Puis pourtant, il y en a beaucoup dans ma partie, mais on dirait qu'on les sent pas lorsqu'on le mange. OK, là, j'en ai une. J'en ça croustille pas tant que ça. J'en ai croqué une. Pas tant croustillant, hein? Non. Et c'est que les Pieces ont la même saveur que les Reese normaux. Fait que ça vient pas rajouter de la saveur. Tu viens juste chercher la coquille du Pieces. La petite coquille chocolatée. Qui est comme semi-croquant. Voyons, pourquoi ce micro-cas ça te fait rire, Tania? Voyons. Je sais pas, excusez-moi. Il est 9h, je suis saoule. Wow. Oh mon Dieu. Merci Poppers. Ouais, merci Poppers. Ben, c'est très, très, très, très bon. Mais ça aurait pu être plus croustillant. J'aurais mis encore plus de Pieces. J'aurais mis, mettons, je pense que je prendrais cette formule-là, Reese's, avec la crunchy un peu à l'intérieur. Pas le genre d'éponge là, sucrée. Mm-hmm. Hey, tellement. Faut vendre ça à Hershey. Je vais mettre moi aussi de Reese's Pieces avec un tout dans la bouche en même temps. J'ai compris. Vraiment... c'est vraiment bon. Mm-hmm. C'est vrai. Non, pour. Ok, moi. La place d'en avoir deux, il devrait en avoir 12. Écoute, j'ai mangé la moitié. Des boîtes. C'est comme des boîtes de biscuits. Hein. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça, par contre, je sais pas pourquoi ils font pas ça. Ouais, tu sais, mettons, une boîte de biscuits conventionnelle, mettons des biscuits à l'érable, des biscuits au chocolat, mais tu mets dans ces boîtes-là des Reese. Parce que par le passé, tu parlais de crunchy tantôt, Tania. Ouais. Il y avait ça en biscuit. C'était pas très bon. Ouais. Des Reese? Non, des crunchy. Ok, oui. Tu sais, avec l'éponge à l'intérieur, il y avait ça en biscuit, avec un petit biscuit chocolaté puis un petit peu de texture d'éponge dessus. C'était pas yard. Mais nous, on veut juste la grosseur d'une boîte Oreo en format, mais. Mais c'est des Reese, pas de biscuits. Ça coûterait biscuit, probablement trop cher. C'est ça. Que la boîte, genre, la 3800 calories, là. La boîte serait comme 10, 12, 13 piastres, mettons. C'est sûr. Parce que, mais moi, je l'achèterais à ce prix-là, c'est sûr. Ils font peut-être pas ça à cause que c'est vraiment pas bon pour la santé. Hey, vois que j'ai besoin d'une excuse, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est moi qui décide. Ben, hein? Si tu vas au Costco, peut-être qu'il y en a. Je peux pas croire. Oh, hey, si vous allez au Costco souvent, puis il y a des grosses boîtes de États-Unis. Reese, dites-nous-le, c'est ça. À côté d'une grosse liqueur de 3 litres. Là, ouais. Ça. Ben, des dans le sud de la ça. Floride, probablement que t'as ça. Probablement. Mais moi, j'aime aussi les petits Reese, là, en genre de petits... c'est des minuscules moules. Okay. Tu sais, c'est comme ça, ben ça pop dans la bouche. Ben, des petites bouchées, dans le fond. Des petites bouchées qui sont même pas emballées. Hein. C'est vrai. C'est un peu le même principe. Ça se mange vraiment beaucoup mieux que de devoir défaire le petit morceau de papier. Ouais, mais il y a un plaisir dans le fait de défaire le petit papier. C'est vrai, ça. Faut que tu prennes le temps de le savourer. Le petit papier graisseux, là. Ah, ben le problème, par contre, c'est que ça devient trop cochon. Ce sac-là, tu vas le passer. C'est ça, exactement. C'est plate, mais tu peux pas t'arrêter quand tu commences. Exactement. C'est pareil comme, mettons, un sac de Smarties. C'est pareil. Tu peux pas t'arrêter au M&M ou... Ouais. Le Cream and Cookies. Ah, bien. Les marques dans le coin, j'ai un format à partager, ouais. Avec moi-même, là. Bonne blague. Je me le partagerai ce soir. C'est ça. Hey, je vais m'appeler moi-même. Hey, comment ça va? Veux-tu des Smarties? En début du film, après le film. E.T. Oui. Avec des Reese's Pieces, ce serait pas pire, ça? Tout à fait. Un petit marathon de films avec des bonbons à l'intérieur. C'est quel film qui avait Pizza Hut dedans tout le temps? Hein? Oh my God, je me souviens plus. C'est pas Terminator. Il y avait un film d'action avec... Domino's Terminator? Je me rappelle qu'il y avait une version américaine où c'était Domino's, mais dans les autres pays, vu qu'il n'y avait pas de Domino's, ils l'avaient converti en Pizza Hut, fait qu'ils avaient changé graphiquement par ordinateur les Domino's pour des Pizza Hut. Si dans les Visiteurs 2, il y a beaucoup de Pizza Hut, apparemment. Possible, attends un peu, Domino's. Retour vers le futur, non. Retour vers le futur, la pizza du film commercialisé aujourd'hui. Sorti en 2015. Pas. C'est quoi la pizza? Ah. C'était juste une demi-pizza. C'est une demi-pizza pepperoni. L'autre bord, il y a juste des pizzas. Ça a révolutionné le monde. Pizza Hut lance une boîte qui est aussi un projecteur. Alors, 2015. En tout cas, bref, on pourrait se repartir sur du ben Google longtemps sur Internet. Là. Mais je donne mon pouce extrêmement en l'air. Si je pouvais aller plus haut que ça. Ouais. Ah, oh, oui, vraiment. Non, mais c'est délicieux. Là. C'était parfait. Et on salue David Ferron également. Aime pas ça. Ah, oui. Qui aime pas ça. David Ferron qui aime mais pas lui, les lui aime pas, il aime pas les pizzas. C'est dans les Ninja Turtles, Mathieu, Pizza Hut. Possible, hein. Ouais. Ninja Turtles. Ah. Wayne's World. OK. on a aussi Demolition Man, Retour vers le futur 2 et Les Visiteurs. Moi, je pense que c'est Retour vers le futur 2 que j'avais vu qu'il y avait ça. Ça aurait de l'allure. En tout cas. Une belle publicité gratuite. Ben, pas gratuite, en fait. C'est la pizza. Elle a clairement été payée, mais. Elle est déshydratée dans Retour vers le futur 2. Bien. Yeah. Mettre dans le micro-ondes. Ouais. Comme chez Dunkin' Donuts. Oui. C'est la taille d'un biscuit sous leur forme déshydratée. Les pizzas reprennent une forme normale une fois passées dans un hydrateur prévu à cet effet. Oh, mais c'est une croûte farcie. Là, la question. Elle avait l'air farcie. Ouais, elle avait l'air farcie, si je me souviens. Puis des Ninja Turtles, c'est vraiment bien placé, là. On voit le gros Pizza Hut. Ah ouais? Ouais. Fou pareil, hein. Le placement de produit. Mais c'est le Ninja Turtles 2014. Ah, yark. Mais l'avez-vous déjà vu, Wayne's World? Oui. Ben oui. Évidemment. Ça fait longtemps. Ouais. Son placement de produit était juste parfait. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y avait, donc? Parce que, dans le fond, lui, il s'objectait à faire des publicités à travers son émission Wayne's World. Ouais. Puis là, il dit... Je commencerai pas à faire ça, à vendre, mettons, mon show juste pour de la publicité, puis en même temps qu'il fait ça, il fait juste vendre plein de produits. Je pense qu'il vend Tylenol, Pizza Hut, Nike, Adidas. Mais ça passe mieux comme ça. Oui. Puis de nos jours, tu peux pas skipper ces pubs-là, tu sais. Ben non. Malheureusement, je veux dire, t'as besoin d'argent pour faire ton show, puis t'sais. Bref, merci à Reese. Merci à Reese. Infiniment. Merci à Poppers, Watermelon Ice Extra Premium Super Glossy Edition. Aromatural. All natural. Merci Antoine Lapointe-Ricard. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Yeah! Pousse ça deux fois. Ouais. Deux fois. C'est deux, quatre, ben six. Ben non, un de côté puis un de bout. Ouais, en tout cas, bref. Je sais pas compter, c'est sûr. Ben non, c'est ça, je vois ça. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Sébastien Guertin qui est là avec nous. Voici son bulletin, Guertin. C'est le bulletin Guertin. Oui, est-ce que c'est un des derniers? C'est non, je vais finir la saison avec toi. C'est ça, donc un des derniers. Mais effectivement, je reprendrai pas cet été à partir de l'avenir parce que m'en va Montréal. Ben, Montréal. Tout le monde s'en va. On va voir. Bref, donc Sébastien, on parle comme toujours d'un sujet de l'actualité, mais d'une importance capitale. Ben oui, en fait, aujourd'hui, j'ai été, d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai mon petit carnet avec moi. Ouais. C'est une chronique casquée aujourd'hui. T'as vraiment l'air d'avoir comme un livre du Seigneur des Anneaux, mais c'est... Mais sérieusement, mon petit carnet, c'est vraiment un genre de livre du Seigneur des Anneaux. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très beau. Mais oui, bref, l'important, c'est le contenu. Exactement. Mais on le contenait. Donc, ben en fait, cette semaine, c'est drôle parce que ça fait un peu avec... parce que je voulais parler de Pipeline. Ah, OK. Oh, les petites pipelines. Les pour un gars qui était préparé, il a pas l'air de trop savoir c'est quoi son sujet. Pipeline. Les pipelines. Les pipelines. Les pipelines. OK, ouais. C'est que, bon, dans ce temps-ci, puis ça, nous, au Québec, on est tout le temps un petit peu... on a moins conscience de ça parce que, tu sais, on s'entend ce qui se passe dans le Canada anglais. Ouais. Souvent, il y a comme une barrière, là. Ou rivière, au-dessus de la rivière Outaouais, mettons, là, puis les nouvelles se transportent pas vraiment. Mais, en fait, présentement, là, la grosse affaire dans le reste du Canada, c'est le fameux pipeline de Kinder Morgan. Il y a du chocolat dedans, puis un petit jouet? Non, en fait, c'est comme tel Kinder Morgan. Kinder, juste Kinder, je pense. Kinder Morgan, en fait, c'est que Enron ont fait solidement faillite à un moment donné. Oui. Puis, y a, là encore, comme il arrive souvent, comme dans le cas des IBM qui est devenu Lenovo, ben il y a quelqu'un qui a racheté les restants d'Enron, qui a fondé une nouvelle compagnie là-dessus, qui s'appelle Kinder Morgan. Et non, ce n'est pas aussi cute que des petits jouets dans du chocolat. D'ailleurs, soit dit en passant, chose tout le temps très drôle à souligner, je le prends au bon, là. Bon, vous saviez, aux États-Unis, hein, on en a parlé beaucoup, les... Pas de Kinder, les armes à feu. Ouais, c'était mon punch, en fait. Merci de scraper. Non! C'est que on faisait parfois le parallèle. On disait, ouais, les armes à feu étaient portantes puis tout, mais des Kinder Surprise, c'est trop dangereux pour les enfants. Ouais, ben oui. Mais c'est nouveau, ils viennent d'en avoir. Là. C'est juste qu'ils sont séparés par deux moitiés distinctes avec un enveloppage. Pour être vraiment sûr qu'ils ne s'étouffent pas avec. Puis je sais pas si vous avez... Je veux dire, n'importe qui a eu un enfant a déjà reçu des Kinder Surprise quand il était jeune. Ben oui. Puis on s'entend-tu que la petite capsule que le jouet est dedans, là, ça, quand t'étais assez jeune pour le sniffer ton jouet, ça te prenait un adulte pour l'ouvrir. Ouais. Mais bon, hein, les États-Unis, le pays de la rationalité. Mais tire-toi dans la bouche, par exemple. Mais t'as jamais fait ça de l'ouvrir avec tes dents? Oui, mais même là, quand t'es rendu assez vieux pour faire ça, ouais, comme je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est vrai. T'sais, tu sais qu'il faut pas que tu le sniffes, ton jouet. T'as raison. Faut pas que tu le mettes dans ta bouche. Je suis d'accord avec toi. À part si, en tout cas, bref. OK. Ça pour dire, c'est une des magnifiques contradictions de notre voisin du Sud. Ben oui. Je suis vraiment pépé un matin, je sais pas pourquoi. Il ben neige. C'est correct, ça. As-tu dormi? Tu es en train de dire que la neige, drôle, ça te rend heureux? Non, en fait. OK, non. Une chance. Non, justement, la neige devrait m'amortir plus, mais. Ah, les gars. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est, il veut finir fort, ça, l'affaire. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Juste le goût de peser sur la cloche. Oh! Je me sentais spontané un matin. C'est bon. Voilà. Donc, Kinder Morgan. Oui. Moins le fun que Kinder Surprise. Et qu'un café Morgan. Bon. Oui, effectivement. Hey, un Kinder au Morgan. Hey, non, ça serait malade. Ça serait malade. Un petit café. Sérieusement, cette chronique-là va durer 4 heures si on continue de même. Un petit son avec un Kinder Surprise. Ah, oh, wow. Mm. Bon. C'est moi qui a pensé croche dans ce que t'as dit? Ouais. OK, c'est bon. Hey, là, moi qui étais tout fier d'être préparé à matin, finalement, ça s'en va de tous les bords. Pipeline Bernard à jouer dans Radio Enfer. Bref, quatrième tentative de starter chronique comme du monde. Let's go. Bon, les sables bitumineux canadiens. Ouais. C'est un des gros produits de l'Alberta présentement. Et, en gros, Kinder Morgan veulent faire un pipeline pour sortir, parce que c'est eux qui l'exploitent, entre autres, un pipeline pour le sortir de l'Alberta. Ouais. L'Alberta étant une province, je m'en ai dit un état, ce qui est très drôle, une province enclavée à l'intérieur du Canada. Dans donc, le milieu, pour le transporter partout dans le monde, il faut l'amener à la mer. Le célèbre Alsama. Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Le truc qu'on se faisait dire à petite école pour se rappeler des provinces. C'est ça. Mais, tu sais, les provinces plates du milieu, c'est drôle parce que qu'ils n'ont pas vraiment de relief. C'est ça, c'est encore plus drôle. Mais c'est des plaines. C'est plat. Fait que c'est ça, les provinces plates. On a saisi le principe. Oui, c'est ça. Je le répéterai pas non plus. Donc, c'est ça. Ben, on se rappelle, en fait, il y avait le l'année dernière, il y avait le pipeline qui voulait passer par le Québec, qui était un projet dégueulasse, absolument botché et qui ne nous rapportait absolument rien au Québec de laisser passer chez nous, autre que des risques écologiques et des risques pour notre eau potable. Ouais. Fait que suite à grogne populaire et ainsi de suite, ben on l'ont pas fait. Là, on s'est fait détester dans le reste du Canada parce que, hein, on est donc au Québec, on est donc des BS de la Fédération canadienne. Ça n'a pas de mot du bon sens. Bon, ce qu'on oublie de dire, mais c'est que... Mais restez avec nous dans le Canada, c'est ça qui veut dire. C'est aussi, ça, hein, c'est ça, exactement. D'ailleurs, ce qu'ils oublient tout le temps de spécifier eux autres, c'est que les gens qui disent ça, ils se basent sur le fait que le Québec est la province dont l'enveloppe de péréquation est la plus grosse. Péréquation, ça, c'est l'espèce d'égalisation des ressources au Canada. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les provinces qui reçoivent de la péréquation au lieu d'en payer, on est la province la plus populeuse et d'une moyenne marge. C'est pour ça qu'on est celle qui en reçoit le plus. Par habitant, on est celle qui en reçoit le moins dans celle qui en reçoit, en fait. De un. De deux, le but de la péréquation... C'est d'être égal. C'est d'être égal. C'est que ça paye pour compenser pour les investissements que le fédéral envoie ailleurs qu'ici et qui désavantage économiquement le Québec par rapport aux autres provinces. Ainsi de suite aussi pour le Nouveau-Brunswick et la jusqu'à récemment Terre-Neuve qui en recevait aussi. Donc ceux qui sont contre ça devraient être contre la péréquation en tant que telle au complet. Ben, s'ils trouvent ça, mais en même temps, c'est parce que c'est ce qui fait que la fédération se maintient. C'est un peu pareil comme le... T'sais, c'est parce que si à Mané, il y avait des trop grandes disparités économiques entre les provinces, ça, je veux dire, ça s'écroulerait, là, le dollar canadien serait instable. Ça fonctionnerait pas. Là. Fait que c'est ça. Faut pas qu'il y ait des trop grosses différences de valeur du dollar tout dépendant des provinces. Mais bon, pis ça, c'est important de le dire parce que l'idée de freeloader, si on veut, là, le monde là, qui... Les profiteurs, si les on profiteurs, veut. Là, ça va revenir au courant de la chronique. Puis, entre autres, ben, tu sais, on se dit justement, il va y avoir des gens qui vont nous dire, mettons, un bel exemple, c'est Alain Dubuc, qui est ancien éditorialiste de La Presse, qui écrit une fois de temps à autre des messages, des textes courts dans La Presse, là, comme lettre d'opinion, là, mettons. Petit billet, si on veut. C'est ça. Moi, ce qui est le fun, c'est quand vous voulez savoir quelle opinion avoir sur quelque chose, lisez la chronique de Dubuc et c'est l'opinion contraire qui est la bonne en général. Malheureusement, je trouve que justement, Dubuc, c'est un restant d'une époque où ce que La Presse était un journal complètement biaisé et... avec, tant qu'à moi, pas grand rigueur. L'équipe éditoriale actuelle a beaucoup plus d'allure. Certaines exceptions s'appliquent, mais généralement, tu sais, François Cardinal, Paul Journé, bon, c'est du monde, tant qu'à moi, beaucoup plus crédible et beaucoup plus nuancé. Est-ce que, comme des anciens, peu importe, sénateurs ou peu importe, est-ce qu'ils ont un salaire à vie après avoir été éditorialiste au... Je pense pas. Non, ben, je sais pas en même temps. Ce serait drôle, hein? Parce qu'il écrit vraiment souvent dans la presse, en fait. Ben, tu sais, c'est un peu louche. Sinon, c'est vraiment qu'il aime ça pas se mêler de ses affaires. Ouais, ben, c'est ça. Moi, ou agenda caché, y a-tu quelqu'un qui le paye par en dessous? En tout cas, anyway. Les Illuminati, une affaire-là. Illuminati, Power Corp, même combat. Donc, ça part encore de tous les bords, mon affaire. Mais c'est ça, Monsieur Dubuc signait dans la presse un texte ce matin qui... a failli être intéressant. En fait, il disait en gros, pourquoi est-ce que le monde bad trip avec le transport du... Puis là, c'est pas le terme qu'il utilisait, on s'entend, là, mais... Pourquoi le monde bad trip avec le transport du pétrole? Parce que, tu sais, bon, les gros arguments contre ça, c'est des arguments écologiques. Mais, comme tel... On puise déjà le pétrole. C'est la partie la moins dommageable de l'exploitation des sables bitumineux au Canada pour l'environnement. Pourquoi on bad trip avec ça? Ouais. J'aurais envie de lui répondre, de un, parce que c'est là qu'on investit, là. C'est là qu'on a un contrôle d'empêcher quelque chose d'arriver au lieu de démanteler quelque chose qui est déjà là. Fait que, oui, c'est là que le militantisme va avoir le plus d'impact. Oui, c'est pour ça que c'est là-dessus que le monde s'acharne le plus, entre guillemets. C'est empêcher des nouvelles affaires qu'on trouve qui est un non-sens. Pour la partie pourquoi c'est un non-sens, je vais y venir plus tard. L'autre chose aussi, c'est que ben, c'est ça qui a un immense impact présentement, potentiel évidemment, mais là encore, sur les peuples autochtones, en fait, sur les droits des peuples autochtones, parce que ça passe en plein milieu des réserves, ça passe en plein milieu des territoires de chasse et de pêche réservés pour les Autochtones. Puis notre gouvernement Trudeau s'est fait élire sur la promesse, puis là encore, il y a d'autres promesses qui est en train de briser dans ce dossier-là, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard, sur la promesse de réconcilier la Fédération canadienne avec les peuples autochtones. Fait que là, ben, c'est un peu leur faire un pied de nez à cette promesse électorale-là, et donc, en quelque part, faire un pied de nez à tout le monde qui a voté pour eux autres. Finalement, Une autre raison pourquoi est-ce qu'on bad trip avec le transport, c'est que oui, si on compte sur l'éternité de la chose, c'est vrai que le transport, c'est quand même le bout le moins polluant de la gang. Mais c'est celui qui a les impacts les plus directs en même temps. Dans le sens que l'extraction des sables bitumineux, ben, c'est de la pollution atmosphérique, c'est de la pollution des sols, c'est un paquet de choses comme ça. Le problème avec les dommages environnementaux liés au transport, c'est que c'est des fuites dans des cours d'eau qui servent de source pour les villes, pour certaines grosses agglomérations très importantes dans certains cas. C'est comme leur source d'eau potable, en fait. C'est beaucoup plus direct le danger que ça a pour les populations. Tu sais, à la limite, la pollution atmosphérique, il y a moyen de la compenser ailleurs, il y a moyen de développer des nouvelles technologies de filtration, de name it. Une marée noire à cause d'un tuyau qui éclate, là. Ouais. Tu sais, quand ça arrive dans le lac, que ta ville, tu sais, c'est pas une affaire qui va avoir un impact dans 15 ans ou dans 20 ans, c'est une affaire qui a des impacts dans minutes. Et c'est des choses, ouais, qui arrivent, là, je veux dire, on l'a vu avec BP, hein, c'était ça? Ben, British, c'est ça. Petroleum. C'est ça, il y avait le désastre de BP, entre autres, là, ben là, ça fait déjà quasiment 10 ans. Ouais, c'est ça, mais quand même, c'est mais majeur. Mais ouais, c'est des affaires comme ça. Ça a un impact direct dans la vie des populations la journée que l'accident arrive. Fait que, puis là, on va dire, ouais, mais tu sais, les pipelines, c'est reconnu pour être quand même ce qui est le moins dangereux comparativement au train, puis ainsi de suite. Oui, un pipeline bien fait. Là, je vais chercher mon Sam Girard, là. Un pipeline bien construit. L'affaire, c'est que les projets qu'on a au Canada, c'est des projets faits à la botch. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. Le plus faible soumissionnaire. C'est le plus faible soumissionnaire, le moins cher possible. Pourquoi? Puis c'est là que je vais un peu péter les rêves et les idéaux de plein de monde. C'est qu'on a tout le temps eu dans la tête que, ah oui, le pétrole, c'est payant. Check l'Arabie Saoudite, les autres sont mis riches là-dessus. Check les États-Unis, le Texas, c'est riche juste parce que ça a du pétrole. Il y a une affaire, il y a des sortes de pétrole. Puis nous autres, au Canada, là, ce qu'on a comme pétrole, c'est pas du pétrole que tu perces un trou puis il gicle tout seul. Puis l'infrastructure que tu en mets dessus, c'est pour le ralentir. L'accueillir, OK, ouais. Tu sais, c'est pour ralentir le flot pour que tu aies le temps de le mettre dans des tanks avant, okay, qu'il pisse partout. Ouais. Ce qu'on a au Canada, nous, c'est des sables bitumineux. Ça veut dire que c'est de l'espèce de bouette qui est imbibée de pétrole. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as des procédés chimiques assez complexes et assez onéreux et assez énergivores et name it, qui font énormément de déchets directs, là encore. Ça fait des espèces de gros lacs de produits chimiques. Ben, là, c'est pas pour rien qu'en anglais, ça s'appelle tar sands, comme dans des sables de goudron. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Ben, tu sais, du tar, goudron, bitume. Ouais, on comprend, mais c'est du sable bitumineux ça en français. Ça fait plus illustré, vraiment, hein, de dire que c'est ça, du goudron. Tar, ouais, c'est ça, tar. Le... que des cigarettes, là, tu sais quoi? Oui, oui, tôt ou tard. Fait que c'est ça, c'est que ça coûte le pétrole canadien et le pétrole le moins rentable au monde et d'une moyenne marge. Pour donner un exemple, généralement, les derniers estimés que j'ai vus, on calculait que pour que le pétrole canadien soit pas rentable, arrive kiff, soit non déficitaire à extraire, faut que le cours du baril mondial soit à peu près à 90$ US. Mmh. On s'entend, présentement, il est autour de 60$. Puis là, évidemment, pour qu'il commence à faire du profit, il faut qu'il soit plus cher que ça. On calcule à peu près, pour que le pétrole canadien soit vraiment rentable, il faut au moins que le baril de pétrole soit à 100$ US. Ça fait des années qu'il n'a pas été à ce niveau-là. Des années. Parce qu'on a, chose assez drôle, là encore, si vous vous rappelez, quand on était plus jeune, on se faisait dire « Ah oui, le pétrole, on va en manquer dans quelques années. » En fait, on connaît présentement plus de ressources de pétrole. Il y a plus de pétrole présentement dans le monde qu'il y en avait dans les années 70, dans le temps où le pétrole coûtait une fraction de ce qu'il coûte présentement. C'est juste l'inflation mondiale qui a fait monter le prix, en fait, comparé à ça. L'affaire, c'est que le problème, en fait, présentement avec le pétrole, avec tout ce qui est combustible fossile, en fait, c'est pas qu'on va en manquer, c'est qu'on en a assez pour s'étouffer avec, comme disait un prof que j'ai eu au secondaire, qui est maintenant député fédéral, soit dit en passant. Pas pour le PLC. Bonjour, monsieur Aubin. C'est ça. Mais ouais, citation directe. Ouais. Ça m'était resté dans la tête. Répète-nous donc ça. Le problème avec le pétrole, c'est pas qu'on va en manquer, c'est qu'on en a assez pour s'étouffer avec. Ah, c'est beau. Donc, fait que c'est ça. Le pétrole au Canada, ben tu sais, comme je dis, le pétrole, c'est un idéal du 20e siècle. C'était la vache à lait du 20e siècle. Les fortunes qui sont faites au 20e siècle, c'était sur le pétrole. Au 21e siècle, regardez c'est qui est le plus riche présentement. Puis même au 20e siècle, déjà, c'est à la fin. C'est les informaticiens. C'est la technologie de pointe, ouais, qui est payante à cette heure. Les informaticiens, je pense à Bill Gates. Présentement, la personne la plus riche au monde, c'est Bezos d'Amazon. Mm-hmm. Là encore. Et le Amazon Washington Post, comme dirait Trump. Ouais, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans si on commence à parler de Trump. J'ai écouté des John Oliver en déjeunant, mettons. Oh. J'en ai plein ça dans la tête. T'en avais assez pour t'étouffer avec. Exactement. C'est un autre, ça. Okay. C'est une chose qu'on pourrait dire de la présidence Trump aussi, d'ailleurs. Ben c'est ça, c'est que pour donner un exemple de les sables bitumineux, on vit sur le bras de l'Alberta présentement, c'est faux. L'Alberta vit sur notre bras en fait. Comme je disais, les sables bitumineux canadiens sont présentement pas rentables, sont subventionnés par le fédéral. En gros, chaque personne vivante au Canada présentement donne 100$ aux sables bitumineux par année. Ouais. Ce que ça veut dire en gros, c'est que les subventions sont égales à 100$ par habitant du Canada. C'est quasiment un baril de pétrole en dollars US. Ça serait moins cher actuellement pour le fédéral de prendre tous les travailleurs qui, mettons qu'on abandonnait le pétrole progressivement, de progressivement à mesure que ces travailleurs-là perdent leur job parce qu'il y a moins d'activités liées au pétrole, leur payer leur salaire à ne rien faire, puis leur donner comme un certain nombre de temps pour se retrouver un autre job, puis payer leur salaire pendant ce temps-là. Le texte que j'ai vu qui disait ça, qui faisait le calcul, il expliquait pas exactement combien de temps qu'il calculait, parce que c'est pas à vie, là, évidemment, ouais. Là, mais parce qu'on parle d'un retrait progressif anyway, là, t'abandonnes pas ça d'un coup, ne serait-ce que parce que tu vas laisser plein d'affaires dangereuses de même. Mmh. Mais c'était un peu là, l'idée, là, c'est que, ben en fait, ça serait moins cher pour nous autres de juste comme arrêter la production, tranquillement, pas vite, démanteler tout ça, puis payer le chômage à ce monde-là, à 100% de leur salaire actuel. Parce que, là encore, on le dira jamais assez, faut sortir de la tête que le pétrole, c'est payant. Mm-hmm. On fait pas d'argent. Collectivement, on fait pas une scène sur le pétrole. Présentement, ça enrichit des multinationales. Soit dit en passant, Kinder Morgan, c'est pas une compagnie canadienne. Ah non? Paye pas ses impôts ici. Ah. C'est une compagnie du Texas. Mm. Probablement paye ses impôts à des places où il n'y a pas d'impôts qui se payent anyway. Genre en Irlande. Là. Mm-hmm. D'habitude, c'est là qu'ils se tiennent, en Irlande ou des Bahamas. Là. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, eux autres même, le fameux pipeline qui présentement, là, ce qui fait la manchette, c'est vraiment le pipeline qui est supposé de passer de l'Alberta vers la côte ouest canadienne, donc à travers les Rocheuses puis qui traverse le territoire de la Colombie-Britannique. La première ministre Rachel Notley de l'Alberta, qui est d'ailleurs c'est un gouvernement du NPD, on les a surnommés entre nous autres les pétro-révolutionnaires parce que une vraie joke là, c'est la place qui fait un peu le NPD au Canada qui fait honte au NPD là, c'est de quoi. Oh. Mais c'est ça. Qui pousse beaucoup et qui fait de la politique extrêmement hargneuse pour ses maudits pipelines parce qu'elle sait qu'elle est pognée avec son pétrole pas payant. Il y a personne qui veut payer pour ce pipeline-là, y compris la compagnie qui veut le construire parce que, en fait, chose intéressante, c'est qu'ils voudraient même eux autres mêmes se faire dire non par le fédéral parce qu'ils vont pouvoir, ils vont pouvoir poursuivre le fédéral canadien en dommages et intérêts pour un projet qui n'a jamais été fait mais qui avait été signé quand même. Okay. Fait que eux autres seraient bien contents, en fait. Puis pire que ça, présentement, la situation, c'est qu'ils ont mis un ultimatum au gouvernement Trudeau de dire toutes les poursuites qu'il y a contre ce pipeline-là, toutes les affaires qui nous bloquent, vous nous en débarrassez d'ici 6 semaines. Sinon, ben vous nous le devez. Okay. Fait que dans les deux cas, vous êtes obligés comme de nous racheter, dans le fond. Ouais. Fait que puis eux autres, ils savent. Puis c'est en fait ce qu'ils espèrent qu'il va arriver. Parce que ils savent déjà, les investisseurs de cette compagnie-là savent déjà que ce pipeline-là ne rapportera pas une scène. Il va coûter plus cher à construire que ce qu'il va rapporter. Fait qu'ils veulent juste s'en débarrasser parce que là encore, répétons-le toujours, un pipeline, le pétrole canadien plutôt, il n'est pas rentable. Ouais. Et je m'en allais dire justement, une des personnes à qui il faut marteler ça, ben une des personnes, le gouvernement Trudeau présentement a tendance à oublier ça. D'ailleurs, si on remonte à la campagne de 2015, moi on va voter pour lui, j'aurais été piste en tabarouette de ce qui se passe présentement parce que on remonte à la campagne électorale, une des grosses promesses qui a moins été discutée au Québec en fait, même ça l'a été quand même elle a été quand même pas mal discutée au Québec parce que c'était un peu une des affaires que Trudeau justement faisait de la politique sur le dos de Thomas Mulcair qui était le chef du NPD dans le temps. C'était que lui, il disait non, non, non, le, sort, le pétrole là, ou l'exploitation pétrolière au Canada, là, on va faire un phase-out. On va arrêter d'investir là-dedans, on va tranquillement pas vite arrêter ça. Là. Exactement ce que je dis depuis tantôt, que ça nous coûterait moins cher de faire anyway à base. Mm-hmm. Puis là, soudainement, se retrouve au pouvoir, puis ah ouais, ben non, on va comme accommoder les compagnies pétrolières, puis on va ci, puis tu sais, c'est probablement des questions de lobbyistes, des questions de frais juridiques, puis des questions de... Puis je reviens, c'est probablement des questions de lobbyistes, en fait, carrément. Parce que, rationnellement, si, à part de prendre comme présupposé que pétrole égale cash, y a rien de logique dans ce qui se fait présentement au fédéral par rapport à ça. Donc, c'était un peu la chute de ma chronique. C'est que ce qui se passe présentement, en fait, c'est qu'on a un produit présentement qui n'est pas payant. Puis, on va se dire les vraies affaires deux secondes. Là. Le Canada, là, on est un des pays en termes de ressources naturelles les plus riches au monde. Puis, je parle même pas, même si on fait abstraction du pétrole, on a du stock qu'on peut exploiter au Canada puis qu'on n'exploite pas. L'Arctique, on le délaisse. Mm-hmm. Tu sais, puis même rendu là, aller exploiter le pétrole dans l'Arctique, il y en a. Puis, ça n'est du pétrole que tu as juste à peser puis ça va ressortir tout seul. Ouais. Tu sais, à la limite, exploiter ça si vous tenez à faire de l'argent avec le pétrole, même si tant qu'à moi, c'est pas de l'avenir, ça. Mm-hmm. Tant qu'à ça, aller faire ça. L'Arctique canadien, on se vante qu'on est le pays, le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Puis, Colin, on a les deux tiers de notre territoire qu'on n'est même pas dessus. Il y a deux gendarmes puis quelques Inuits puis c'est tout. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme pas logique à un moment donné. Tu sais, il faudrait... Si on veut vraiment aller, puis tu sais, quand je dis le pétrole, c'est pas la seule affaire qu'il y a dans l'Arctique qu'on pourrait exploiter, puis il serait plus facile à sortir de toute façon, parce que là, ça serait des plateformes. Il y a du minerai. Tu sais, c'est pas pour rien là, que les Russes font des incursions de temps à autre dans notre Arctique. Et ils vont gager qu'est-ce qu'ils peuvent aller nous chercher là. Même les États-Unis, jusqu'à un certain point, se considèrent une genre de royauté là-dessus, vu qu'ils nous aident avec notre défense de l'Arctique. Tu sais, l'Arctique canadien, c'est une des plus grandes richesses dans le monde présentement. Puis nous autres, on est comme non, garde la place, on va exploiter notre boîte de pétrole en Alberta parce que c'est business as usual. Là. Ouais. Fait que c'est de quoi que je m'excuse, ça finit par être une chronique un peu déprimante puis que je suis un peu piste en la disant. Mais tu fais bien de le dire, t'sais. Mais c'est des affaires qui m'ont mené, puis comme je dis, regarde, on le sait pas, mais Montréal s'est reconnu présentement dans le monde comme une des capitales de l'intelligence artificielle. Pourquoi qu'on n'entend jamais parler? Ouais. Pourquoi qu'on n'investit pas plus là-dedans? C'est, en gros, une des raisons, c'est que c'est un des chercheurs les plus importants au monde en intelligence artificielle. C'est un immigrant, là, de je me rappelle plus où, là, si je me rappelle bien, c'est un pays slave ou un... pas Turquie, là, mais une affaire comme ça. Dans ce coin-là, en tout cas, là, pas tout à fait le Moyen-Orient, là, mais les Balkans, une affaire de même. Qu'il a immigré ici quand il était jeune, il a fait ses études ici, puis lui-même a été, jusqu'à un certain point, plus fièrement canadien et québécois que ben des « de souche », entre guillemets, si vous me permettez l'expression, ben, que, plus ou moins, que j'haïs, même, soit dit en passant, là, mais tu sais, le groupe qu'on désigne habituellement comme des « de souche », là, des blancs. Ben, des blancs, ouais. Là. Ben, c'est que lui, il a fait ses études à Montréal, puis il a dit, ben, moi, je vais pas aller. Il se fait offrir des postes n'importe où, partout, là. Il pourrait faire de la recherche pour n'importe quelle université dans le monde, là. C'est le numéro un mondial présentement là-dedans. Il a dit, non, je reste à Montréal. Parce que c'est le Québec qui m'a donné ma chance, puis c'est la ville de Montréal qui m'a accueilli. Fait que je reste à Montréal. Juste à cause de ça, toutes les grosses compagnies d'intelligence artificielle, tu sais, comme Google, mettons. Ouais. Ils établissent tous des bureaux là-bas parce qu'ils veulent faire affaire avec lui. Puis lui, ben, sa politique, c'est si vous voulez faire affaire avec moi, ça va se passer à Montréal. Ah, il faut des visionnaires des fois. On les a pas nécessairement ici. Mais pourquoi on n'investit pas plus là-dedans? Ouais. Pourquoi on n'investit pas plus dans. Tu sais, ça revient. Tu sais, on a. Dans les années 80, Hydro-Québec avait développé le moteur roue électrique. Mm-hmm. On s'était fait dire, ah, ça n'a pas d'allure, ça marchera jamais. Puis là, les compagnies, qu'est-ce qu'ils commencent à faire présentement? Ils commencent à développer des moteurs électriques pour les autos, puis des moteurs roues. Ils commencent à avoir des compagnies qui se trament dans ce design-là. Donc, au Québec, on dompé les brevets pour des miettes. Parce que personne s'en sert. Ça sert à rien, ouais. Tu sais, ça marchera pas. Ils font des portes de garage avec ça à cette heure. Mm-hmm. Tu sais, c'est des affaires comme ça que le manque de vision des fois, là. Fait que tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que... Bon... On ne va pas dans le débat fédéraliste provincial. Mm-hmm. Là, mettons, là, pour aujourd'hui, je vais prendre pour acquis qu'il y a une Il y a une feuille d'érable sur mon passeport. Là. Au Canada, là, on a des affaires, on a de l'activité qu'on peut faire, on a du talent, on a des ressources, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste s'en rendre compte, puis en profiter, puis arrêter d'essayer de vivre dans le passé, puis dans le « Ah ouais, ça marchait v'là 20 ans, tu sais. » Ouais, ouais. Non, v'là 20 ans, ça marchait. V'là 20 ans, là, tu sais, c'est niaiseux, là, regardez un peu en arrière, regardez v'là 20 ans, 98, qu'est-ce qu'il y avait, comment que la vie se passait, ça a changé en tabarouette. Ouais. Fait qu'on n'est pas si loin au Canada du « Make America Great Again ». Ben, on t'sais. Est... Moi, je pense qu'on est... la plupart des démocraties sont présentement pas très loin de... Sont à un politicien étrangement charismatique et aussi dégueulasse qu'il est charismatique de « Make Canada Great Again », »,« Make... » Revenons comme c'était dans le temps. Ouais. C'est ça. C'est déprimant, ça. Pis ce qui est très drôle, en fait, c'est que les affaires que Trump disait qu'il réglerait, là, on s'en va, on est dans sa deuxième année là, depuis un petit bout. Là. En fait, tout ce qu'il a dit qu'elle améliorait, il l'a empiré à la place. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on est à un cheveu de tout ça présentement. Ouais, un cheveu jaune. Ouais. Sébastien, Yves Guertin. Ou frisé, tout dépend. Ou frisé, ouais, ça dépend de quel bord tu regardes. Puis, j'ai dit ça, ça me brise le cœur parce que je voulais vraiment être. Je voulais. Tu sais, comme je dis, j'ai pas voté pour Trudeau, mais j'avais espoir en l'ayant comme premier ministre que, je sais pas comment dire, que c'est, qu'on irait vers un peu plus, un peu plus de progrès, mettons, qu'on arriverait un peu au 21e siècle. On n'est pas dans les plus. J'ai pas l'impression que c'est ça qui s'est passé finalement. On n'est pas là encore. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était un sujet déprimant aujourd'hui, mais la semaine prochaine, j'ose espérer que tu vas nous donner quelque chose d'un petit peu plus positif pour finir ça. Hein? Ben, je sais pas. On verra. Peut-être. On verra. On l'espère. On met pas d'argent là-dessus. On va faire notre François Legault, puis on verra. Dans le temps comme dans le temps, on se tient au courant. Hein? Ouais. Et on fait ça la semaine prochaine. Ce sera mercredi à 7h30 pour une dernière chronique du bulletin Guertin. Et oui. On t'écoute pas à la sortie de quoi à votre gauche parce que c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. J'espère que vous avez profité de cette deuxième saison. Hein? Ben, c'est notre quatrième, là, mais... bref. De suite? Ben, pas de suite, là. Il y a eu des pauses en chaque. Ouais, il y a eu des... On a skippé l'été dernier, puis l'automne, en mais fait. Mais mettons en comptant... En tout cas, bref. Hein? Ouais. J'avais l'impression de deux séries distinctes. Ça. Ouais. Si on veut, ça dépend de comment tu regardes ça. On peut dire qu'il y a eu la sortie de secours de jeunesse et la sortie de secours de maturité. Ben, c'est ça. On checkera ces DVD, qu'est-ce qui marque. Là, on sait pas. Mais que ça sorte. Merci Sébastien Elgartin. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Voici Justine Pertine. C'est le cœur rempli d'eau et la tête remplie de souvenirs que ce matin, je vous livre ma chronique bimensuelle à saveur musico-scientifique parce qu'il s'agira de la dernière. A-t-elle vraiment déjà été bimensuelle, par contre? Oui, dans les débuts. Oui, c'est ça. Forcément bisexuelle, mais rendu là, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus aux deux semaines, aux une semaine, aux trois semaines, peu importe. Hein? Ça a été difficile avec toutes mes allées et venues aux quatre coins de la planète et par la suite la thèse, etc. Mm-hmm. Mais à toutes les fois, lorsque je mettais les pieds ici, là, c'était toujours avec le plus grand sourire, le plus grand bonheur de la planète. Que les micros tombent ou pas, là, sérieusement, il n'y a rien pour défaire. La chimie qu'on a, je pense, à la radio ensemble, là, les trois, puis aussi par le passé avec toutes les autres qui ont passé par la porte. Exactement, mais c'est clair que Tania était là plus longtemps que les autres. Très longtemps, mon Dieu, je regardais ça. C'est quoi, 2015 ou 2016? 2014. Quoi? 2014? Et je regardais dans mes fichiers, c'est pour ça. J'essayais de retourner en arrière depuis combien de temps, Tania Mandure? Je n'avais pas les dates, mais on voilà. Fait que par durée, on t'aime. Oh! On t'aime, Justine. Oh, c'est bien gentil. On parlera de qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. À la fin de la chronique, c'est ça? On va commencer par le commencement. Absolument, parce que j'ai tenté vraiment de vous concocter quelque chose d'assez spécial. J'ai cherché un bon moment là, pour le thème idéal sur lequel clore cette série de chroniques pour me rendre compte que j'avais expliqué pas mal de phénomènes scientifiques déjà. Je commençais quasiment à me répéter. J'avais passé par les feuilles qui tombent à l'automne. Ça, c'était ma première chronique. Ah ouais. Aux sorcières, j'avais fait la rigidité cadavérique qui s'opère après la mort. J'ai fait les blizzards. Comme j'ai sérieusement parler de pas mal plus de choses que Bill Nye, The Science Guy.

On parle toujours de jeux de stratégie. C'est ça, pas moi, mal. C'est ce que je préfère. Ouais. Mais on va terminer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Oui, sur les mécanismes de jeu. Il m'en restait quelques-uns à nommer, puis je trouvais que ça valait quand même la peine de finir ce qu'on avait commencé. Puis on va aussi parler de jeux coopératifs. Oh. J'en avais glissé un mot à la fin de la chronique précédente. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on va aborder plus le sujet. Génial. J'ai déjà hâte. Donc, ça tombe bien, ça commence maintenant. Ça commence tout de suite. La première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le mécanisme d'enchère. Okay. Donc, c'est un mécanisme qui s'inspire de la vraie vie. Oui, bidé sur quelque chose. Oui, exact. Ouais. Donc, dans les jeux, il y a différentes façons de faire. Il y a vraiment une tonne de jeux, plein de façons de faire. Mm-hmm. Même dans Monopoly, en théorie, il y a un système d'enchère. Quand quelqu'un arrive sur un territoire, s'il ne veut pas l'acheter au prix qui est indiqué, il y a une enchère qui commence à 1$. Dans les règles officielles, c'est ça. Oui. L'enchère commence à 1$ et c'est chacun son tour. On peut augmenter combien qu'on veut payer. Fait que, mettons, toi, tu dis 1, moi, je dis 2, Tania dit 3, ainsi de suite. Mais là, vous voyez comment que... Mm-hmm. Ouais, vous voyez comment que ce système-là, ben, la partie peut durer des heures sans compter le reste. C'est sûrement pour ça que les gens font pas ça, hein? Non, c'est ça. Mais en théorie, les règles, c'est comme ça. Mm-hmm. On avait parlé du jeu Megawatt la semaine passée. Oui. Le truc avec l'hydro... exact. Dans ce jeu-là aussi, il y a des enchères pour les centrales qui sont de ce type-là. Mais vu que l'argent est pas mal limité, c'est pas long qu'on a plus d'argent, puis on prévoit aussi plusieurs dépenses, là. Fait que dans ce jeu-là, ça marche quand même bien, je trouve. Là, le jeu que j'ai apporté ici s'appelle Cyclades. Donc, c'est un jeu avec des super de belles figurines. Figurines en petit plastique cheap, mais en petit plastique, oui, mais ils sont quand même pas spé. Ils sont donc d'une seule couleur chaque, là, il n'y a pas de... Ouais, ben là, je les ai pas encore peints, ceux-là. Mais c'est dans les projets. C'est dans les projets, ouais. Donc, dans ce jeu-là, on est chacun un clan grec, puis on va se battre là, pour le contrôle des îles dans l'archipel des Cyclades. Mais le jeu, les actions qu'on va pouvoir faire vont être déterminées par des dieux qui sont ici. Aha. Pour obtenir les faveurs des dieux, ben il faut les prier, puis on les prie avec notre argent. Aha. Oh, l'argent c'est tout le temps de même. C'est ça. Même les dieux, ils sont cupides. Ben oui. Cupides, dieux. Oh! Hey. Donc, chaque joueur va avoir un petit pion comme ça, une petite colonne, qu'il va pouvoir placer à son tour sur un des dieux, sur un montant, pour pouvoir... offrir ce montant-là aux dieux. Okay. Les dieux sont représentés par des petits cartons épais quand même. C'est ça. Okay. Et il y a quatre dieux principaux qu'on peut prier, Arès, Athéna, Zeus et Poséidon. Mm-hmm. Et il y a aussi Apollon, mais Apollon, dans le fond, c'est comme un dieu que quand on n'a pas d'argent, ben, il nous aide un peu. Le mode par défaut. Wow, okay. C'est la banque. Ouais. Ouais. Donc, mettons, moi, je suis prêt à payer 3 pièces pour prier à Arès. Ouais. Si un joueur veut mettre son pion sur le 4, mais à ce moment-là, il me tasse. Je suis obligé de me tasser parce que quelqu'un a mis plus que moi, c'est normal. Mais je ne peux pas aller sur le même dieu. Je suis obligé d'aller sur un autre dieu. Okay. Est-ce que tu dois partir au même montant où tu étais rendu ou tu recommences à... Non, je peux aller au montant que je veux, mais je suis toujours obligé de mettre plus qu'un autre joueur. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, OK, ben, je vais mettre 2 pour Athéna. Mm-hmm. Si un joueur vient se mettre sur Athéna plus que moi, ben là, je peux retourner sur Arès, mais ça va me coûter plus cher. Okay. Mais là, l'argent au début, on est limité. Mm-hmm. Plus que la partie avance, plus qu'on va gagner de l'argent, mais il y a d'autres choses qu'on veut acheter dans le jeu. On doit acheter des troupes, on doit acheter des flottes, on doit acheter des monstres. Fait que l'argent est toujours limité. Ouais. C'est... Et ça, pourquoi est-ce que les dieux sont représentés par des cartons qui sont enlevables? Est-ce que c'est parce qu'on peut les changer? Parce que à chaque tour, ils vont changer d'ordre et l'ordre de jeu va être déterminé par qui a fait les offrandes du premier dieu versus le dieu plus en bas. Puis si on joue à moins de 5 joueurs, ben, y a des dieux que à chaque tour vont être face cachée. Okay. Fait qu'il pourrait ne pas avoir Arès un tour. Ouais. Fait que ça peut avoir aussi un impact sur les actions qu'on peut faire. Arès, c'est le seul qui permet d'attaquer avec nos légions. Là. Okay. Nos hoplites. Donc, s'il est pas là, ben là, on sait que c'est aussi, on sera pas attaqué. Fait qu'on peut faire d'autres choses, on peut prévoir plus nos stratégies. J'ai vu que ta planche est découpée en morceaux et pas repliée. Ouais, parce que selon le nombre de joueurs, le nombre d'îles va changer. J'ai mis la configuration 5 joueurs, fait qu'il y a plus d'îles. Si on joue à 3 joueurs, il y en a vraiment comme... C'est tout petit, là. C'est pareil comme le jeu en genre de plaque la semaine passée avec un milieu, là. C'est le fun, les jeux modulables comme ça. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien ça, là. Ça, surtout dans le cas de jeux militaires, si on veut, où il y a un affrontement, c'est important que les joueurs soient obligés de s'attaquer. Mm-hmm. Sinon, un jeu où on s'attaque pas, ben, c'est pas un jeu de guerre. C'est plate, c'est ça. C'est ça. On fait juste regarder, puis... Ah, t'as de l'air fort, mais moi aussi. Non, c'est ça. Faut qu'il y ait du combat, mais si le jeu est bien fait, le combat sera pas... va pas être désagréable, tu sais. Mais il y en a qui n'aiment pas ça, là, ce genre de jeu-là, mais quand même. Il y en a de tout pour tout le monde. Hein? Donc, j'ai présenté Cyclades. D'une autre façon que j'aime bien de faire, c'est dans le jeu Dream Factory, qui est un jeu où On va faire des enchères encore là sur différents lots. C'est, dans le fond, on essaie de récupérer des objets de films. Mm-hmm. Donc, un metteur en scène, un scénario, des effets spéciaux, des acteurs. Fait qu'on ramasse tout ça. Il y a des lots d'éléments qu'on veut ramasser. Mais le gagnant de l'enchère partage son argent avec les autres joueurs. Okay. Fait que si on n'a pas beaucoup d'argent puis on perd tout le temps les enchères, bien on n'arrête pas de gagner de l'argent. Mm-hmm. Éventuellement, on va en avoir assez pour prendre quelque chose. Mais là, il s'agit de savoir quel est le moment pour prendre la bonne chose. Puis aussi, il y a toujours le risque, quand on fait des enchères, mettons, je surenchéris, puis les autres passent. Ben là, peut-être que moi, ça m'intéressait pas, mais j'ai surenchéri. Tu perds tout ton argent. Parce que mais en même temps, tu sais, quand on veut faire dépenser les autres, ben ça fait partie des stratégies. Faut prendre des risques, exactement. Ouais, exact. Fait que c'est ça, vraiment c'est Dream chaud. Factory. Dream Factory. Un autre mécanisme, la gestion de main. Mm-hmm. Donc, j'en ai pas des tonnes de jeux-là, mais celui que j'ai amené, c'est Bonanza. Main comme dans des cartes, hein, c'est ça? Oui, des cartes qu'on a en main. Donc, Bonanza, c'est un jeu où on va planter des beans. Fait qu'on on a la chili bean. Puis ils l'ont pas appelé Beananza? Ben, parce que c'est allemand, puis en allemand, bean, c'est bone. Ah, bon. Donc, okay, Bonanza. Ça a du sens, ouais, c'est ouais. Ça. Donc, il y a chili bean, il y a la robin, il y a la turbine, il y a la carabine. Il y a la hémoglobine. Oh! Il y a la binolar. Il y a toutes sortes de bines. Il y a toutes sortes de bines dans Batman. Oui, Asbin. Il y a la chocobine. Plein de sortes de bines. Ils ont pensé à tout. Oui. Ben oui. Pour le bin pour there, la date, comme on dit. Ils l'ont, ça, dans le fond, il faut qu'ils le refassent à chaque langue parce que en anglais, ça marche pas. Là, ah non, c'est les images même. Il faut vraiment adapter. Oui, ouais, c'est ça. Ils le font, à chaque fois. Mais c'est vu fort. Que c'est un petit jeu de cartes, je pense que ça va. Ouais. Dans le jeu, on va avoir 3, 4, 5. On va avoir 5 cartes en main. Oui. Qu'on va recevoir au début de la partie, on n'a pas le droit de les replacer. OK. Ils restent toujours dans l'ordre que tu les as mis. Oui, on laisse toujours dans cet ordre-là. Okay. À notre tour, on est obligé de planter devant nous la première bin. Donc, okay. On la met en jeu. À la droite. À la droite, oui. Okay. Mais là, selon comment on tient les cartes. Moi, c'est ça. Ouais. Quand on la met en jeu, dans le fond, devant nous, on a comme juste deux champs de bin. Donc, au début, j'ai aucune bin de planter, ouais. Fait que je peux en mettre une. Mettons mon tour, là, je vais repiger, mais la carte que je vais repiger, je la mets en arrière. OK. Là, mon prochain tour, ben, je suis obligé de planter une autre bin. Mmh. Là, je fais un tour. C'est quoi, là, ta bin, mettons? Là, je viens de planter une hémoglobine. Hémoglobine, ben oui. Là, mon tour revient. Ben, là, faut que je plante ma première bin, mais j'ai pas de place parce que j'ai juste deux champs puis ils ont déjà des bins. Fait que je vais être obligé de ramasser les bins pour faire de la place. OK. Mais quand je ramasse les bins, ben là, on va faire des revenus. Mais comme la bin au lard ici demande d'avoir au moins 3 cartes pour faire une pièce. Ah. Là, j'en ai juste une. Fait que si je ramasse ça, ça me donne pas d'argent. Mm-hmm. Je la défausse. Après, je plante ma carabine. Carabine, oui. Ouais. Mais si je veux, j'ai le droit de planter aussi la deuxième carte. Puis là, ça donne que ma deuxième carte, c'est une carabine. Mm. Fait que je vais la planter, c'est sûr. Je suis content. Au hasard, ouais. Et après, comment que le jeu va nous permettre un peu de manipuler nos cartes en main, c'est que quand un autre joueur joue, mm-hmm. il y a une phase d'échange et de cadeaux. D'offrande. Okay. Fait que je pourrais lui dire, ah, ma prochaine carte, c'est une robin. Mais là, moi, j'en veux pas de robin. Mais la suivante, c'est une carabine. Si j'étais capable d'enlever ma robin, je pourrais faire la prochaine carte que j'aurais à planter, ça serait la carabine. J'en ai déjà, je suis content. Ouais. Fait que je pourrais dire à un joueur, ben, veux-tu une robin, t'en as déjà devant toi, ça t'en ferait une de plus. Là, c'est sûr que je donne des points, mm-hmm. mais en même temps, moi, je m'assure de faire plus de points à mon tour quand c'est je vais pas devoir ramasser des cartes. Que ce soit avantageux pour les deux. C'est sûr, parce que ça va être dur pour un joueur d'accepter une offre qui n'est pas très bonne, mais vu que les bins ont des valeurs différentes, mettons la chocobine, dès qu'on en a une, ça donne une pièce. Ah, ben là, peut-être que ça, c'est plus tentant pour un joueur de l'accepter, même si. En tout cas, je serais du genre à avoir le sourire en coin tout le long de ce jeu-là. Ah, ouais, ben c'est correct. C'est bien correct. Chocobine. Fait qu'on doit gérer vraiment comment qu'on va s'occuper des cartes qu'on a en main. Mm-hmm. C'est sûr que ça, c'est une catégorie assez large, mais tous les jeux où on a des cartes en main, puis c'est ça l'élément de jeu, mm-hmm. ça rentre là-dedans, là. J'aime ça. Gestion de ressources, on y avait parlé un peu, on en avait mentionné Agricola, ouais. Megawatt, tout, là j'en reparlerai pas beaucoup mm-hmm. aujourd'hui, mais tous les jeux où on acquiert des ressources, on les échange, on les transforme, mais on sable, les revend. Sable, pétrole, la pierre, je sais pas. Ouais, ben il y avait dans les piliers de la terre, on avait vu le sable, ouais. la pierre et le bois, exact. Qu'on transformait en points, qu'on transformait en argent, donc c'est une catégorie qui regroupe pas mal de jeux. Puis là, moi, je parle de tu sais, mettons, d'un jeu en présentant un mécanisme dans ce jeu-là, mais c'est sûr que dans la plupart des jeux dont j'ai parlé, il y a plusieurs mécanismes en jeu, là. C'est pas juste une affaire. Ouais. Pouvoir de jeu variable. Oh, pouvoir de jeu variable. Okay. Des pouvoirs, ouais. Peut-être, des super pouvoirs. Donc, dans un jeu où on a chacun, mettons, notre personnage, ouais. Et on a une capacité que les autres n'ont pas, c'est un pouvoir de jeu variable. Mm-hmm. Mais dans certains jeux, ces pouvoirs-là changent à chaque tour. Oh. Donc, c'est le cas du jeu Citadel que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est assez vieux comme jeu, mais qui est encore très, très bon. Ouais, puis t'entretiens bien tes jeux, ça paraît. Hein. Ouais, c'est ben lui, quand même... Hein? Oui, mais lui, il a quand même du vécu, là, les cartes ont un peu plié. Donc, mais ça peut être l'humidité aussi. C'est ton pouvoir de plier les cartes. c'est peut-être l'humidité qui fait un peu ça aussi, là. Donc, dans les jeux, on va avoir des personnages qui ont différents numéros. Ces cartes-là, là, j'ai pris n'importe quoi, elles sont toutes mélangées. Là. On va les brasser. Mm-hmm. Il y a un joueur, dépendamment du nombre de joueurs, on va en enlever face visible, face cachée. Et là, le premier joueur va choisir son personnage, mm-hmm. va passer les cartes au joueur suivant, donc ce qu'on appelle encore là un draft, là, mm-hmm. mais mm-hmm. tout simple, là, parce qu'on choisit juste une carte. Une fois que toutes les cartes ont été choisies, ça finit là. Et ensuite, les personnages, ils ont tous un numéro. Et ils vont être appelés en ordre. Donc, c'est pas l'ordre de jeu, ça dépend de la carte qu'on a choisie. Donc, le hasard. Ben non, parce qu'on l'a choisi. C'est sûr. Il y a des cartes qui manquent, les autres peuvent prendre des cartes, mais on a quand même choisi la carte qu'on voulait. Donc, dans l'ordre, les personnages vont être appelés. Chaque personnage a une capacité spéciale. Donc, par exemple, le premier, c'est l'assassin. L'assassin peut éliminer un autre personnage, mais pas un joueur. Fait que, mettons, je suspecte qu'un joueur a pris le roi, je pourrais dire j'assassine le roi, et le joueur, s'il y a un joueur qui avait pris le roi, ben il joue pas ce tour-là. OK. Ou mettons, le deuxième personnage, c'est le voleur. Le voleur peut choisir un personnage, mais pas un joueur. Il peut choisir un personnage et tenter de lui voler son argent. Mm-hmm. Fait que, ben, moi, je vole le marchand. Si le marchand joue, quelqu'un l'a choisi, ben, il se dévoile et il perd son argent. Donc, à chaque manche, par contre, les personnages vont être redistribués. Fait que je vais devoir utiliser les pouvoirs selon la situation pour me ramasser de l'argent, me ramasser des cartes et pouvoir jouer mes cartes. Le but du jeu, c'est de construire des quartiers là, comme ça. Ah. Donc... Il coûte un certain nombre de pièces, mais il rapporte autant de points. Quand un certain nombre de quartiers a été construit par un joueur, la partie finie, il y a des points bonus. On compte celui qui a le plus de points qui gagne. C'est quand même très basique, mais ça a l'air comme mais beaucoup se joue dans l'interaction des personnages. Ouais. Vu qu'il y a des personnages qui en bloquent d'autres, il y a des personnages, mettons, le condottiere, c'est comme un guerrier. Il peut détruire des quartiers de d'autres joueurs, mais l'évêque le bloc. Fait que si j'ai peur de me faire détruire, je peux choisir l'évêque. Okay. L'évêque a d'autres avantages. Là. C'est et pas le pouvoir juste de la religion. Eh oui, on peut pas détruire l'église. Ben non, voyons donc. Faire une salle de spectacle avec. ça va être ça, le principe de ce petit jeu-là. Cool, si t'as qui est toujours, tu sais, depuis, ça existe depuis très longtemps. Oui, c'est toujours, ça. Toujours édité, toujours disponible. C'est la seconde édition que t'as là, mais il y en a sûrement eu plusieurs. Il y en a eu quatre depuis. Quand même. Là, ouais. Il me semble qu'on est rendu à la quatrième. Un autre jeu, là, va falloir que je fasse un petit peu de place. Quand même. C'est des beaux jeux, mais ils prennent de la place. Oui, vraiment. Ouais. Ben là, c'est sûr, parce que j'en étale 5-6 à la table. Ouais. C'est pas. Comment est-ce que tu les conserves, tes jeux? Tu disais, bon, l'humidité a fait quelque chose, mais est-ce que t'as une pièce réservée? Ben regarde, ben j'ai une pièce pour ça, mais sont pas à l'abri de l'humidité là-dedans. Non, pas du tout. En plus, je reste dans un demi-sous-sol. Fait que... Ah, et tu prends les chances. Il y en a. Ouais, ben. C'est ça. Hein? On fait ce qu'on veut, hein? Je peux pas, mais. C'est ça. C'est sûr que le rêve, c'est d'avoir une bibliothèque pour soi. Mm-hmm. Donc, ici, j'ai le jeu Black Fleet. Non, je vais parler du principe de pick-up and delivery. OK. OK, donc réception et livraison. Ouais, exact. C'est ça. Ça va être des jeux où on va ramasser des ressources et on doit se déplacer pour aller les livrer à un endroit. Ah, OK. J'ai essayé plusieurs jeux dans ce genre-là, puis en général, ça m'avait pas tant plu. Par contre, Black Fleet, je trouve que lui, il est vraiment excellent. Mm-hmm. Très simple, quand même assez familial. Dans le jeu, on a chacun un bateau marchand et un bateau pirate. Okay. C'est un bateau de plastique, encore une fois, j'imagine, ouais. Peinturable, jaune, mauve. Ouais, bleu. Mais ils sont quand même, les autres sont quand même, ben le mât peut-être pas, là, mais quand même un bon plastique assez solide. Donc, on a chacun deux bateaux comme ça, et il y a aussi des frégates qui sont neutres. Qui vont se promener dans les eaux, sur le plateau là, qui représente une mer avec vraiment plein d'îles, mm-hmm. puis des ports où il y a des marchandises. Il y a des lignes entre chaque en forme de genre quoi, hexagone pour te dire. Ouais, ben c'est ça, c'est les cases du jeu. Ouais. Donc, au début de la partie, ben j'apparais dans le coin. Il met ça le plus loin possible pour avoir de la misère à parler dans son micro. Oui, c'est ça. Mais on va apparaître sur les côtés du plateau. Ouais. OK. Et on a des cartes en main qui nous permettent de déplacer les différents bateaux. Donc, je vais choisir la carte que je vais jouer. Mettons, je joue celle-là. Celle-là me permet de déplacer la frégate bleue de une case. OK. Mon bateau pirate de 5 cases et mon marteau marchand de 6 cases. Mm-hmm. Fait que je vais faire tout ça dans l'ordre que je veux. OK, n'importe où. Dans n'importe quelle direction. Où ils sont rendus. Oui, je vais vraiment où je veux. Mais là, quoi ça? Le bateau marchand, pourquoi on parle de pick-up and delivery, ouais. de ramasser et, livrer, et des mm-hmm. Faire des livraisons, ouais. c'est que le bateau marchand peut aller dans un port, il va se remplir des marchandises de ce port-là. Donc, par exemple, ici, c'est du genre de sel, là, j'imagine. Mm-hmm. Okay. Ou ici, il y a de... Je sais pas, du bleu. C'est des ressources que tu sais pas trop ce que c'est, là. Il y a, ouais. il y a des volcans, en tout cas. Il y a du blé ici. Il ouais. y a peut-être du rhum ici, mm-hmm. là. Mais différentes ressources, mais c'est des cubes. Ça illustre des choses, c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que les petits cubes, ils rentrent dans les espaces du bateau. OK. Donc, le petit bateau de commerce, il y a de la place pour 3 cubes. Fait que dès qu'il arrive dans un port, il se remplit des marchandises, là. Ça me coûte rien, là, pour prendre ça. Okay. Je me remplis des marchandises et après, je vais prendre mon petit bateau. C'est sûr, ça prend plusieurs tours. Ouais. Je vais me rendre dans un autre port et je vais aller vendre des marchandises que j'ai à bord. Ouais. OK. Et le prix est indiqué ici. Puis si c'est loin, comme par exemple, là, si je prends le verre qui est là, puis je l'amène ici, ben ça me donne 2 pièces par cube. Okay. Mais si je prends le mauve ici, puis je vais le livrer là-bas, d'où je viens, ben ça me donne 3 pièces par cube. Okay. Fait qu'il y a des petites variations. Ça peut être plus cher à certains endroits. Selon la distance. Selon la distance qu'on a parcourir. Pourquoi? Parce que quand on se promène, ben les bateaux pirates ennemis vont essayer de nous attaquer. Fait que si le bateau arrive dans une case adjacente, il m'attaque, puis je peux rien faire, là. Je me fais voler une marchandise. Okay. Et à chaque fois qu'on attaque quelqu'un, on gagne de l'argent. Donc, le bateau pirate va me voler une marchandise. Et là, après, ben là, le bateau pirate, il y a de la place juste pour une marchandise, mais une autre action que le bateau pirate peut faire, c'est aller l'ensevelir dans les endroits où il y a une petite pelle. Okay. Fait qu'il ensevelit son trésor, puis ça fait de l'argent. Ouais. Fait que le bateau pirate va se promener, aller piller des bateaux, puis là, on fait ça sur ceux des autres, là, pas sur le nôtre. Ouais, non, évidemment. Donc, le marchand, pour lui, il essaie de se rendre à son port, puis il se fait piller. Les frégates, à quoi qu'ils servent? Les frégates coulent les bateaux pirates. Ah. Oh. Fait que quand j'ai mon petit déplacement, j'essaie d'aller à côté d'un bateau pirate d'un autre joueur, de le couler, puis ça me fait de l'argent. Mm. Puis ça rentre dans l'adversaire aussi. Ouais, ben c'est ça. T'auras pas récolté ce que semé tantôt, par contre. Non, une fois que c'est enseveli, c'est retiré, ça retourne à la réserve. Là. Et l'argent fait le joueur fait de l'argent, c'est ça qui est le fun. Avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que chaque joueur va avoir des cartes de pouvoir devant lui de différents montants. Donc, la moins chère coûte 5, après il y a 8, il y a 11, 14, puis après il y a une carte à 10 ou à 20. Okay. Fait que si on débloque les 5 cartes, on a gagné. Mmh. C'est vraiment comme une espèce de course à ce moment-là. Mais ce qui est le fun, c'est que chaque carte qu'on va payer nous donne des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, ça pourrait être que moi, mon marchand, il est armé. Fait que je peux attaquer les marchands à des adversaires, leur voler leurs marchandises, puis faire de l'argent avec ça, par exemple. Ou les faux pavillons, c'est une carte où, au début de mon tour, je peux échanger la place de mon bateau marchand puis de mon bateau pirate. Ah, c'est pratique, ça. Ben oui, tu vas être... Fait que ça permet de faire des genres de téléportes, c'est vraiment intéressant. C'est comme Battleship, mais pas pantoute comme Battleship. Ben oui, c'est ça. C'est genre avec aucune similarité. Non, donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Puis c'est ça, pour parler de... Pas mal cool. Encore une fois, une très grande planche de jeu. Ouais, je vais avouer, par exemple, moi, j'ai toujours joué à 4, puis on me dit qu'à 3, c'est peut-être pas aussi intéressant. Okay. C'est vraiment 3 ou 4 joueurs, mm-hmm. parce qu'il faut que le plateau soit assez rempli pour qu'il y ait de l'action. Ah ouais. Pas en haut de 4, mais... c'est vraiment juste 4. Ben, on m'a dit qu'en bas de 4, à 3 joueurs, c'était pas aussi intéressant. Là. Cool. Fait que je le recommande surtout à 4. Son nom, c'est quoi celui-là, déjà? Black Fleet. Ensuite de ça, un autre mécanisme, tu sais, que dans les jeux militaires, il se retrouve beaucoup, c'est ce qu'on appelle en français le contrôle de zone ou majorité de zone. En anglais, area majority ou area control. C'est surtout area control qu'on entend. Mais, tu sais, des fois, la subtilité des termes peut varier. C'est des jeux où on tente d'avoir le plus de choses dans un endroit. OK. Souvent, c'est un côté militaire, mm-hmm. mais dans un genre de jeu politique, ça pourrait être avoir le plus d'influence sur un parti, mettons. Mm-hmm. OK. Dans certains jeux, si je suis un endroit, personne d'autre peut y être. Souvent, dans les jeux, mettons, risque. Si un autre joueur rentre dans mon territoire, ben il y a une bataille jusqu'à temps qu'il y en ait juste un. Mm-hmm. Mais il peut pas cohabiter plusieurs joueurs dans le même espace. Donc, ça rentre quand même dans ce genre-là. Mais dans certains jeux, avoir plus de troupes que l'adversaire, les deux cohabitent, mais ça ne nous empêche pas de gagner des bénéfices pour autant que j'en ai plus que l'autre. Par exemple, un jeu récent qui est sorti, c'est Rising Sun. C'est un jeu dans l'univers japonais. Okay. Il va avoir toute l'île du Japon, il y a différentes provinces, et on va avoir des troupes là-dedans, mais on peut cohabiter. Il ne se passe rien en tant que tel pendant les différentes actions du jeu. Si on est ensemble, c'est juste qu'il y a certaines actions qui vont nous donner des revenus à celui qui a le plus de force. Puis à la fin de chaque saison de jeu, il va y avoir des batailles, et là aussi, il va avoir passer quoi, les joueurs vont s'affronter. Donc, encore là, je vais avoir plus de troupes que les autres. Au soleil levant. Mm-hmm. Hein? Pays du soleil levant. Ouais. Il y a vraiment plein de jeux dans ce style-là. Un autre que je vais nommer là, parce qu'il est vraiment différent, ça s'appelle Maître Couturier. Ça peut paraître un peu spécial. C'est dans le fond, au, je sais pas, 18e siècle, on est des maîtres tailleurs et on fabrique des robes et des vestes pour la noblesse. Tu travailles chez Canadian Tire. Tire. Donc, mais quand on va confectionner ces robes-là, on va les louer aux nobles et on va placer dans le fond la robe qu'on a fait confectionner avec le noble dans une salle du palais. Et avoir le plus de nobles que c'est nous qui avons fait leur robe ou leur tailleur, leur veste, ben c'est ça qui va nous rapporter des points. Fait que là aussi, il y a une question de majorité. C'est plus qu'on en a, plus que c'est payant pour nous. Non. Fait que ça, c'est dans le même genre. Puis, j'avais préparé une petite liste de mentions spéciales. Oh. Fait que je vais juste faire un survol rapide, là, sans trop me détailler dans les jeux. Mm-hmm. Il y a le mécanisme dans Mancala, ça c'est plus en anglais, Awale en français, qui est le fait d'égrener. C'est vraiment un jeu, là, je pense que c'est pas vraiment africain, mais ça a de l'air africain. C'est qu'on va prendre des éléments et on va les en semer un dans chaque case suivante. Mm-hmm. Donc, dans le cas du vrai Mancala original, c'est des bols placés sur une palette de bois. Okay. Et dans chaque bol, il y a des pierres. À mon tour, je prends toutes les pierres d'un bol et je vais en sens horaire dans les différents trous en laissant une pierre dans chaque bol. Mon but, c'est il y a deux bols à l'extrémité, c'est de remplir le mien avec le plus de pierres. Okay. Donc, on prend, mais là, il y a d'autres petites subtilités, là, mais en gros, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ce concept-là a été repris. Mon préféré dans ce genre-là, c'est Five Tribes. C'est un jeu avec thème arabe où on va ramasser des petits meeples. De différentes couleurs, et on va les semer, vraiment, en laisser un dans chaque case qu'on parcourt. Et là, la case où on arrive, on fait une action qui dépend des bonhommes qu'on a placés dessus et aussi de la case en tant que telle. Mm. Fait qu'il faut tout surveiller, là, qu'est-ce qui se passe. Le plateau change tout le temps. Très intéressant. Un autre mécanisme, ou plus une catégorie de jeu dans ce cas-ci, le Dungeon Crawl. Ooh. Okay. Donc, exploration de donjons. Ouais. C'est un peu... Tu sais, on avait parlé de Donjons Dragons, ben ça s'est transformé aussi en jeu de société, c'est sûr. Mm-hmm. Et il y a des jeux comme Descent, Arcadia Quest, pour en nommer une couple, qui se basent sur le fait que j'ai des héros, j'explore un donjon, je tue des bibittes, puis on ramasse des objets, on devient plus fort. C'est juste T'as le pas fun, à ramper pour vrai comme dans le mot crawl. C'est juste explorer. Non, je sais pas pourquoi c'est ça ce nom-là. Ça veut dire la même chose. Mais, ouais, mais c'est vraiment ça le terme qui est utilisé. Des jeux en temps réel? Je vais venir sur Escape, je vais parler dans les jeux coop, mais Capitaine Sonore, c'en est un. On joue deux équipes. Ça, c'est vraiment comme Battleship. On joue deux équipes, idéalement quatre par équipe. Chaque joueur a une tâche à faire dans le sous-marin et on essaie de trouver le sous-marin ennemi et de lui tirer dessus. Oui. Oh, okay. Je me souviens, on a déjà parlé ça avec Xavier. C'était Alpha, ouais. Le lutin à ce moment-là. C'est ça. Oui. Ouais. Il a fait une petite chronique de jeu de ça. Parfait, ouais. Mais c'est vraiment, vraiment excellent comme jeu pour avoir la tension là, d'être sous stress, là, de comme on va mourir, on va se faire tirer dessus. Ça marche vraiment bien, j'aime vraiment ça. Capitaine Sonore comme dans SONR, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Sonore. Ouais. Des jeux d'action de bourse, c'est pas un système de jeu que j'affectionne tant que ça, okay. Mais c'est des jeux où on va, mettons, acheter des actions, vraiment des actions là, comme dans la bourse. Ouais. Et à certains moments de la partie, il va avoir des revenus. Et selon les actions que j'ai, je vais avoir plus de revenus ou plus de points. Celui que j'aime, moi, c'est Airlines Europe. Donc, c'est le même auteur qu'Aventurier du Rail. Mais dans ce jeu-là, on va pouvoir investir dans des compagnies aériennes sur le plateau. Et à certains moments de la partie, on va gagner des revenus. Mm-hmm. Mais quand j'investis, j'augmente la valeur de la compagnie. Mais il faut que je joue devant moi aussi des cartes de cette compagnie-là pour en bénéficier. Je pourrais très bien investir dans une compagnie parce que j'ai l'intention... d'avoir des actions là-dedans. Mm-hmm. Et un autre joueur a joué tout à coup, joue plus d'actions que moi, fait que c'est lui qui va ramasser le plus de points. Mm-hmm. Est-ce que tu oublies des bagages à quelque part? Est-ce que tu... Non, on fait juste construire les lignes aériennes, on déplace pas de passagers dans non, ce c'est jeu. Ça qui sont à partir un peu plus abstrait. Ouais, ouais, c'est un peu plus abstrait. Il y a aussi les cartes multi-usages. Cartes multi-usages. Ça, je n'ai amené un pour vous montrer très brièvement. C'est des, dans le fond, c'est des jeux où on va avoir des cartes, mais que chaque carte permet de faire plusieurs choses. Mm-hmm. Donc, par ici, dans ce jeu-là, la gloire de Rome, on essaie de rebâtir Rome après qu'elle a été brûlée par Néron. Et dans ce jeu-là, on va avoir des cartes. Mettons, j'ai une carte ici qui est le quai. Mm-hmm. Mais cette carte-là, je peux l'utiliser pour construire le quai en tant que tel. Je peux aussi utiliser son personnage qui est l'artisan. Je peux aussi la transformer pour avoir des ressources qui est du bois. Et je peux aussi la mettre comme en banque pour avoir de l'argent. Ah, de plus. OK. Fait qu'on peut tout faire ça avec toutes les cartes. Et il y a aussi un mécanisme de suivre l'action. Fait que, mettons, moi, je joue un patron. Je vais pouvoir faire l'action du patron, mais un autre joueur qui aurait une carte patron dans les mains pourrait la jouer pour faire la même action que moi. On avait parlé un peu avec Tiny Epic Quest, là, qu'un joueur pouvait faire une action et les autres suivaient. Ben, je ne sais pas si je l'avais mentionné tant que ça, là, mais c'est un mécanisme qui est quand même intéressant pour que tous les joueurs puissent être impliqués en tout temps. C'est ça. Parce que même quand c'est pas mon tour, ben, ça se peut que je puisse jouer. C'est ça. Mais pour revenir aux cartes multi-usages, c'est vraiment le fun parce que, mettons, j'ai 5 cartes. Ben, si chaque carte a 4 choses possibles, c'est comme si j'avais à peu près 20 choix à faire. Mm-hmm. Ça peut paraître beaucoup, mais souvent les choix sont « OK, ça vient de faire ça, ça, ça. » Puis là, ça va être plus, mettons, dans le cas de la Gloire de Rome, chaque bâtiment va avoir un effet différent, fait que c'est plus ça que je vais regarder. Mm-hmm. Après, les personnages, c'est toujours les mêmes, les ressources, c'est toujours les mêmes. Mais ça donne bien des choix avec peu de matériel. Ouais, une carte a fait plein de choses. Un dernier, les jeux de négociation. On avait parlé de Sheriff of Nottingham. Oui. Mm-hmm. Là, je vous avais parlé pour le côté bluff de mentir. Ça, mais c'est la petite enveloppe de velours. Là. Exact. Ouais, mais il y a aussi un côté négociation de dire, OK, si tu me laisses passer, je te donne 3$, puis je te donne de quoi dans mon sac, ou je te donne une pomme. C'est de la négociation. Donc, c'était vraiment le fun, celle-là, je pense. Vraiment. C'est très drôle. Fait que le jeu que j'ai amené ici, c'est un peu plus vieux, mais il a été réédité lui aussi. Ça s'appelle L'Or des Dragons. Donc, dans ce jeu-là, il va y avoir des dragons qui vont être sur la table. Donc, ça va être représenté par des cartes. Ils ont différentes valeurs dans le haut. Mm-hmm. Ça, c'est leur force. Okay. Et dans le bas, il y a des valeurs aussi. Ça représente les trésors. Fait qu'il va y avoir des trésors qui sont visibles. Donc, on va piger dans le sac des petits jetons qu'on va mettre des dessus. Des pastilles cylindriques. Pas très de différentes couleurs. Mm-hmm. Des petits bonbons. Oui, c'est ça. Donc, on va en mettre un certain nombre. Il y a des trésors cachés aussi. Ces trésors-là, on va les rajouter au dragon, seulement quand le dragon va être vaincu. Okay. Ah, OK. Et comment il va être vaincu? C'est que chaque joueur a des petites cartes de personnages, de héros. Donc, à mon tour, je place mon héros sur un personnage. Et la force de ce héros-là va s'ajouter au total. Mm-hmm. Mais il peut y avoir des héros de différents joueurs qui... Mettons, j'en prends une de nos joueurs... qui attaque le même dragon. Et quand la valeur des héros atteint la valeur du dragon, le dragon est vaincu. Et là, il faut partager le butin. Ah, OK. Ah, ben oui. C'est pas dur de vaincre un dragon dans cet univers-là. Mais là, il va y avoir, les quatre trésors-là. Et comment il y a deux trésors cachés, on en rajoute deux. On a le temps du sablier, qui est genre 30 secondes, pour s'entendre comment on va partager ça. OK. Fait que là, moi, j'ai le magicien, le rouge, c'est un objet magique, c'est sûr, j'aimerais ça l'avoir. Ah, ben moi, je veux pas que t'aies le... Ah, ben, si tu veux avoir l'objet magique, par exemple, moi, je prends tout le reste, ben là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il va falloir s'entendre. En 30 secondes. S'il n'y a aucune entente qui est atteinte à la fin du sablier, personne ne prend rien. Ah, c'est ça, l'enjeu. Ouais. Puis, évidemment, ce qu'on va ramasser, il y a des... Mettons, les argents, les or valent un nombre, un nombre de points fixes, mais il y a des petits pions de couleur qui valent... selon ce qu'on a ramassé, ça peut valoir des points variables. Puis, les objets magiques, dans le fond, quand j'ai un magicien puis je ramasse un jeton rouge, je vais pouvoir piéger une carte objet magique qui est... C'est ça, qui va pouvoir être un effet que je vais pouvoir utiliser pendant la partie. Mm-hmm. Soit, mettons, pour voler dans... Mettons, il y a d'autres joueurs qui négocient. Ben, moi, je joue cette carte-là, je vous vole des trésors pendant que vous vous ostinez. Ou, moi, je joue cette carte-là, je ramasse tout, on négocie pas. C'est tout des effets de même. J'aime bien ce principe-là. Est-ce que tu connais un jeu, le dilemme du prisonnier, est-ce que tu connais ça? Oui. C'est si les deux disent une affaire, ils peuvent séparer. Mm-hmm. S'il y en a un qui dit oui, l'autre dit non, celui qui a dit oui prend tout. Puis si les deux disent oui, il n'y a rien qui se passe. Oh! Tu sais, ce genre de jeu-là. Mais que c'est, dans le fond, c'est basé sur faire la confiance à l'autre exactement. Personne. Mais là, il n'y a pas le côté inconnu dans ce jeu-là, là, parce qu'on voit tout. Là, mais oui, ça, c'est un côté négociation, si on veut. Donc ça, c'est les... quoi? L'Or des Dragons. L'Or des Dragons, voilà. Ouais, petit jeu simple et rapide, mais vraiment le fun. Donc ça termine pour ce qui est des mécanismes de jeu. C'est sûr, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Mais je voulais présenter, tu sais, avec les jeux que j'avais, qu'est-ce que, mm-hmm. qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce que moi j'aimais mm-hmm. beaucoup. On va maintenant parler des jeux coop. Ooh. Donc, une petite prémisse pour les jeux coop. En 2006, je vais à un regroupement de jeux de société à ouais. Québec. Ça s'appelle les Journées ludiques de Québec. Okay. Il me semble que c'est en 2006. Peut-être que tu appelles ça un ludicon. Il y a tout un con. Ouais, c'est ça. Mais... C'est con, là. C'est un con, mais là, dans ce cas-ci, ça s'appelle juste Journée ludique. Fait que là, je découvre plein de jeux. Mm-hmm. Et là, j'embarque dans une partie du jeu Le Seigneur des Anneaux. Oh! Donc, c'est un jeu inspiré... De l'univers. Livres. Mm-hmm. Ouais, des livres. Les films étaient sortis à ce moment-là, mais c'était vraiment du dessin pas inspiré du film du tout. Ouais. Donc, on explique le jeu et là, on commence à jouer et je me rends compte, OK, on est contre le jeu. On joue chacun un personnage de la compagnie de l'anneau et il faut faire attention à ne pas gagner trop de corruption pour ne pas perdre. Ouais. Donc, s'il y a un joueur qui a l'anneau, qui porte l'anneau, c'est pas nécessairement Frodon, là, ça peut ouais. être n'importe quel personnage. Et on a comme une pièce sur laquelle on peut avancer. Si on avance, le Sauron ou les spectres de l'anneau vont avancer aussi sur cette piste-là. Fait que si le porteur de l'anneau croise un spectre, la partie est immédiatement perdue. Donc, dans la partie, il va falloir transférer l'anneau à quelqu'un qui est moins corrompu. Mais quand on porte l'anneau, notre corruption manque à chaque tour. Il y a des effets de jeu qui peuvent aussi empirer. Il y a des effets qui font bouger les spectres. Il y a des effets qui nous permettent de baisser notre corruption. Donc, faut tout gérer ça. Et on a comme un plateau sur lequel on doit parcourir différents défis. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué depuis. Là. Mm-hmm. Mais c'était vraiment coop contre le jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, vraiment. Ça reste là pour moi. Mais après, il y a d'autres jeux qui sont sortis, dont je vais parler aujourd'hui, mm-hmm. qui ont vraiment développé le genre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une catégorie comme... À part, mais tu sais, vraiment là, bien reconnu, bien aimé. Donc, le jeu qui est le plus connu oui. dans ce style-là, ah, oui. c'est Pandémie. Ouais. On a déjà parlé de dérivé de Pandémie, c'était la semaine passée, je crois. Oui, exact. On avait parlé de Pandémie le remède. Exactement. Donc, dans ce cas-ci, là, j'ai vraiment le Pandémie original, là, avec toutes les pièces qui sont ressorties. Mais c'est ça, c'est la vieille édition. Il y a une nouvelle édition qui a été faite depuis. Okay. Mais dans ce jeu-là, on est tous une équipe de chercheurs et on doit... protéger la planète des maladies qui ravagent le monde. Les maladies vont être représentées par des petits cubes, mm-hmm. comme à l'habitude. Ouais. Donc, on va se déplacer, on va guérir les malades, mais il y a une question de crise parce que les villes qui se font infecter, c'est un paquet de cartes, mais c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, fait que les villes qui ont été infectées vont avoir encore plus de malades. Et s'il y a trop de malades dans une ville, la maladie se propage dans toutes les villes adjacentes, fait que là, ça fait beaucoup de moments de crise, mm-hmm. et il y a différentes façons de perdre et une seule façon de gagner. C'est toujours ça le principe avec les jeux coopératifs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des jeux où on doit tous collaborer ensemble. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un est moins à l'aise, « Ah, je sais pas quoi faire à mon tour », ben c'est pas grave, je vais t'aider, je vais te le dire. Ou « Ah, ben là, j'aime pas ça jouer contre d'autres personnes. Ben parfait, on joue tous ensemble, il n'y a pas de confrontation. » Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va être vraiment plus contrôleur que les autres, non? C'est ça, c'est le danger des jeux coop. Donc, dans beaucoup de jeux, ce qu'ils font, c'est que, mettons, on a des cartes en main, ben on peut pas dire c'est quoi nos cartes aux autres. Okay, okay. Ouais. Fait que des fois, ça a un petit côté, ouais, mais là, finalement, on finit par le dire pareil. Là, le jeu, souvent, va être assez difficile. C'est une chose qui est importante, que le jeu soit difficile pour qu'on puisse pas le faire comme si de rien n'était. Ouais. Pandémie, je dirais que c'est quand même assez facile. Là. Ça se joue très bien. Mais on peut augmenter la difficulté. J'ai jamais osé parce que je perds assez fréquemment au niveau plus facile pour me dire « Bon, je pense pas être maîtrisé le jeu. » Il faut connaître ses forces. Hein? Mais pourtant, j'ai joué vraiment plusieurs fois. Là, mais... Et encore une fois, pas de panda dans Pandémie. Pas de panda. Non. Pourquoi non. un panda? Panda. Ah, Pandémie. Non, mais c'est Pandémie. Ouais, je sais. Pas de panda. un autre jeu, ben là, ouais, c'est ça. Dans Pandémie, il y a eu toute une gamme de jeux. OK. Ouais, les dérivés Pandémie le remède. Mm-hmm. Ils ont aussi fait, mettons, Pandémie Iberia, qui est comme une pandémie qui se passe au 19e siècle, mais en Espagne, mm-hmm. Espagne et Portugal. Mm-hmm. Il s'en vient bientôt aussi, Pandémie Montée des Eaux, que ça, c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Que là, au lieu de guérir des maladies, dans le fond, on va construire des barrages pour empêcher que l'eau... envahissent les terres trop. Mm-hmm. Puis on essaie de construire, au lieu de trouver des remèdes des maladies, on essaie de construire des éléments, là, comme un moulin pour drainer l'eau, des choses comme ça. Puis ça, ils font ça parce qu'à chaque ils ont des tournois de pandémie. Mais là, c'est comme un pandémie de survie. Là. C'est celui qui réussit à survivre le plus longtemps, là, parce qu'on peut pas battre quelqu'un, là, on joue contre le jeu. Donc, où, à chaque place où ils font le tournoi dans le monde, ils créent une pandémie par rapport à cette place-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a une pandémie espagnole puis une pandémie Pays-Bas. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Ils ont aussi fait Pandémie Contagion ici, que dans ce cas-ci, c'est un jeu vraiment essentiellement de cartes. Même si tu as encore des petits pions. Mm-hmm. On a encore des petits cubes, mais dans ceux-là, la différence, c'est qu'on est la maladie. Okay. Fait qu'il faut qu'on se propage. Ah, ouais, le contraire, j'aime ça. Fait qu'il va y avoir des cartes avec différentes villes et on va devoir infecter ces villes-là. C'est le joueur qui infecte le plus va gagner des points. C'est un area control, donc on va utiliser le thème qu'on a appris. Donc, sur chaque carte, il va y avoir de plus en plus de cubes. Quand il y a une certaine quantité de cubes, la ville est éradiquée. C'est sûr, le thème est un peu plus macabre, mais quand ça joue, essentiellement, on regarde les couleurs puis on joue les cartes. Mais je le trouve vraiment, vraiment sympathique pour un petit jeu là, dans cet univers-là. Là. Mm-hmm. Vraiment intéressant. Pandémie contagion. Un petit jeu d'une demi-heure, c'est marketing. Cool, ouais. Puis là, ben, comme d'habitude, je manque de temps. Là. Toujours, hein, mais toujours. C'est tellement le fun de parler. Puis en plus, on sait qu'on a une date de fin pour cette chronique-là, fait qu'il faut se dépêcher. Oui. Ouais. Mais est-ce que. Donc, la semaine prochaine, ça va être la dernière, ouais, c'est ça qu'on se disait. Ouais. Je vais finir ça, puis je vais parler de mon top 5. Je vais essayer de préparer ça. Là. J'ai jamais fait ça. Top 40 dans chronique. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, top 3. J'ai jamais fait ça. Un top. C'est sûr, j'ai quand même des jeux déjà en tête. Là. Mais ouais, ça me tente de faire ça pour conclure en beauté. On finit ça en enlevant notre top. Non, Mathieu, non. Tu gardes ton top. Merci, je vais faire ça. Merci, Mathieu Janvier. Merci à vous autres. Très bonne chronique, comme toujours. Jeu à gogo. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour Assemblage Rock Edition Weekend. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, bon week-end. Bye! Bye!